Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous, chers amis, et bienvenue à l'épisode 152 de... C'est bien ça. Oui, 152. 152. On a fini sur le 151 après avoir fait le 150e qui n'était pas la fin. Exact. 152, donc. Et vous avez vu la très charmante Estelle Champignonne pour les pierres oui. à feu d'avant-match. Ceux qui sont qui regardent ce qui se passe soyez avant là, que l'émission 10 commence. 10 minutes avant que ça commence pour voir ces magnifiques pubs et ce bloc pierre à feu. Exact. Toujours nouveau à chaque fois. Des pubs qui partent du TurboGrafx 16 en français en passant par la distribution consommateur. Ça va jusqu'à Puyo au Japon. Ouais, ouais. Et tout le temps, un segment de pierre à feu. C'est de l'or en bord. Tout ça est juste, là. Ouais, c'est pour vous autres. C'est tout gratis. Ça, là. Ou presque. Ou presque. C'est du jus de tête que tu mets là-dedans. On salue les mondes qui sont d'ailleurs avec nous dans le chat ce soir. Il y en a beaucoup. Retro Gamers Fan qui était là tôt. Salut, oui. Salut. Pixel et Gretel. Excellent premier... nom. Excellent nom. Ça. Première fois dans le chat. Première fois live. Alors, il y a beaucoup d'attentes. Fait qu'on va tenter de deliver, mesdames et messieurs. On salue Antonin qui s'était trompé de chat, qui était allé dans le chat après. Mais là, il est à la bonne place. Mike Leclerc qui a de l'air en grande forme ce soir. Oui. Salut papa et maman cassette. Il n'y a pas de maman cassette ici. Là, c'est des cassettes en plus. C'est des cassettes. Frank est trop. Il est batté, là. Bon, J-Boy TV, coucou les gars. Jean-Gabriel Harvey, un gars qui a pas peur. Ouais, lui, là, il n'est pas dans la fonction publique. Là. Lui, c'est un gars de métier. Il a ses cartes. Là, exact. T'sais. Mais tu vois que c'est sa première fois, justement. Là. Il met son vrai nom. Là, tu sais pas, là, Jean-Gabriel, mais on devine tout. On vient de te profiler direct. Exactement. Là, on vient de hacker tout ton compte. Là. Fait que voilà, merci. On débarque bientôt. Ah, y es-tu yoteur? Bon, ben, calice, parle-moi de ça, Asti. Un gars de tuyaux qui installe des tuyaux de la bonne façon. Tu vas travailler tantôt des gars de tuyaux. Oui, on va parler de tuyaux tantôt. Hey, Junior Charlebois qui est là pour la première fois, mais qui écoute tout l'épisode. Salut, Junior. Je crois que tu es passé chez Retro MTL acheter des choses. Oui, parce que tu en as parlé sur le CCJVQ. Tu as acheté et terminé True Lies au Super Nintendo. Félicitations. Jeu que j'avais critiqué ici à Retro Nouveau, en fait. Ici, mais à Retro Nouveau. Exactement. Très bon jeu. Et puis, merci pour ton achat et de nous encourager. Merci d'être là ce soir. C'est très agréable. Je ne sais pas si tu voulais garder tout ça secret, mais ce n'est plus un secret. Place publique. T'écoutes le show, t'es sur la place publique. Exactement. Direct. Ben ouais, direct. Hey, salut, Jeff. Bonsoir. Bonne année, Dom. Bonne année. C'est-tu rendu ringard de le dire? Tu as encore le temps de dire ça? Puis ça te gosse-tu le monde qui dit « C'est-tu trop tard pour dire bonne année? » Tout ça me gosse. Moi aussi, fait qu'on s'entend, moi, là-dessus. Mettons, après le 2, là, ça suffit. Je l'ai laissé un peu plus long, mais j'en suis me le dire au mois de mars, parce que t'es funky, vas-y. Ah ouais, c'est sûr. Ben, ça se peut que ouais. Mais ouais, après une semaine, là, ça fera. Ouais, ouais, non, c'est comme le sapin, là. À un moment donné, tu le sors. Ah, moi, le 2, il était fini, c'est défaite, ranger un cabanon. Là. Ah ouais, arrête demain. Ben, ouais, moi, je le laisse aller un petit peu. Là. D'habitude, oui, cette année, j'avais besoin que ça finisse. Là, fait que c'est... Ton petit gars, il aime pas ça de l'avoir un petit peu plus longtemps. Oui, mais il était pas là dans ces journées-là, okay, puis okay. Il revenait comme le 4-5. Là, fait que, ah, fait que t'en profitais besoin... en plus. Fait que je clean tout, puis j'avais des meubles à faire, puis besoin d'espace dans la maison. Là. Ouais. Mm-hmm. Ben écoute, c'est parfait. Ben Junior, ben merci. Puis voilà, c'est correct, on a spoilé ses affaires. Fait que, en intro, j'ai deux petits shout-outs à faire. Ensuite, tu pourras nous parler un petit peu de ta vie. Et puis après ça, on va parler de la Switch 2. Parce qu'on a cancellé le show, pas de la semaine passée, mais l'autre d'avant. Parce que c'était supposé être un spectacle. J'ai eu un gros rhume, j'étais knock-out et puis je pouvais pas le faire. Ceux qui m'ont vu en magasin m'ont vu avec un masque d'ailleurs. Il y a eu des auditeurs. Il y a eu beaucoup d'auditeurs, Jean-François, ah ouais? Qui sont passés en magasin, for real, et puis qui me disent des bons commentaires sur le show, qui sont contents que tu sois là, bon. Puis c'est excellent, puis ça rehausse tout, puis qu'on a vraiment un produit le fun. Fait que sachez, les amis, que c'est très, très, très apprécié. Il faut bien, on l'a dit en off-mic au début, mais c'est tout ce qui nous reste, ces deux micros-là et cette table-là. Exact! Tout le reste est cassé. Là, moi et Jeff, on est à bout en tabarnak là, pour différentes raisons. On est rendu vieux et à bout, mais il nous reste ceci. Ah ouais, vraiment. Première fois live depuis Retro Nouveau à Rigat 21. qui m'a suivi tantôt sur, sur Twitch, d'ailleurs, sur le compte de Young Media. Ah bon, je le salue. Voilà, c'est excellent, ça. Ben, il y a beaucoup de premiers lives à ce soir. C'est très apprécié. Ben oui. Yes. Et puis, je voulais remercier M. Jean-Michel Racine. Et puis, on a une photo de ça. Regardez ça, c'est beau. L'excellent Jean-Michel Racine, auditeur de longue date, qui est passé en magasin chez Retro MTL, qui s'est grayé d'un T-shirt avec notre mascotte Glitch, qui joue du Guitar Hero. Et le gag avec ce chandail-là, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est qu'il a les pattes trop courtes pour se rendre aux boutons. Puis nous autres, on trouvait ça très drôle. Il essaye fort. C'est vrai. Fait que voilà, il s'est acheté ça. Et puis, ces deux beaux grands garçons qui ont chacun un chandail à coton ouetté Retro MTL. Donc, il est passé, il nous a encouragés ici, il nous a tout acheté ça, nous a envoyé une photo. J'ai demandé sa permission en passant, guys, parce que je sais qu'on peut pas diffuser les photos des gens, encore moins c'est quand il y a des enfants. Sa blonde est d'accord, tout le monde est d'accord. Alors, c'est une très belle famille. J'apprécie aussi son... Comme tout bon père connaît la grandeur des chandails de ses enfants comme il faut. Ah ben, c'est pas de sa faute parce qu'il y en avait sûrement pas des small. En fait. Ils vont grandir dedans. Ils vont... Mais les jeunes, ils aiment ça quand c'est grand. Ah ouais. Et puis là, Jeff, je te demanderais une faveur, oui. C'est de te rendre au frigo. On va voir sa caméra. Ouais. Au frigo du spectacle le frigo ici, l'argent des Patreons a gracieusement payé à toi. Et puis, l'excellent Jean-Michel n'a pas que acheté du gréement. Le post-it rose pour preuve à l'appui. Oui, preuve à l'appui, post-it. Donc, Jean-Michel, hey, t'es-tu capable d'allumer la cam de collection? Toujours. Attends, j'ai oublié. On va avoir du flex. Et voilà. Attends, tiens, c'est pas de niaisage. Il n'y a pas de collection ce soir. Les dessous de... Tiens, man, je te fais ça à la mode. Ah, attends, ouais. C'est pas de la bonne TV. C'est la pire affaire. C'est une IPA Fun Box de Six Fully. De Refined Fool Brewing Company, mesdames et messieurs. Et puis, c'est Jean-Michel qui nous a amené ça. Ceci, je vais parler dans le micro, ça va aller mieux. Ouais, puis je vais nous remettre. On va remettre aussi. Ça. Ça n'a pas très bien été. Alors, voici la boîte, mesdames et messieurs. C'est Refined Fool Brewing Company. C'est une compagnie, c'est un microbrasseur de l'Outaouais, donc de l'endroit d'où Jean-Michel vient. Et puis, ce sont des IPA. C'est une boîte de plaisir de IPA. Alors, on a la I Wish Doug Was More Like Gary IPA. On a la Tracksuit, qui est une Smash IPA. On a la Van Full of Weirdos, qui est une Juicy IPA. On a une Hazy Roy, la New England IPA. Terry's Obnoxious Windbreaker, la double IPA. Et la Death Row, Fruit Punch IPA à 7%. C'est la Death Row avec des petits fruits dessus. Là, c'est ça. Salut, Chief Langlois. Fait que moi, je vais me servir. JF, veux-tu une IPA de l'Outaouais? Je m'en allais direct à la Death Row, moi, je pense. Death Row, hein? C'est-tu la plus forte c'est... en alcool? Je pense non, que... c'est la double IPA la plus forte. Mais la Death Row, c'est la deuxième plus forte. Parce que j'aime beaucoup la Fruit Punch de Vox Populi qui font ça ou... Oui, la Double Fruit Punch. Ouais, ouais. Ah, puis c'est une de chaque. Ah bon. Fait que, à moins que t'as voulu la Death non, Row. Non, tiens, une Death Row pour toi. Vous voyez comme ça sonne la mort ici. Puis moi, j'adore... C'est thématique avec moi, la mort, anyway, là. Ah, totalement. C'est... Puis moi, j'adore le Smash... le Tracksuit, toi. Oui, mais j'adore le Citra. C'est-tu fait avec du Citra, ça? Nectaron, hop, ça. Ah, ben, même pas. Ben, je vais prendre ça pareil. Fait que, qui voilà. Qui nous rappelle le suit de Squid Game, un peu? Oui, c'est vrai. Que je me suis tapé dans le temps des fêtes pendant que j'étais malade. Ah ouais, hein? Ouais. La deuxième saison? Ouais, la deuxième saison au complet. T'as-tu aimé ça? J'ai bien aimé ça, ouais. Ah, je sais pas, je pense pas l'écouter, moi. Parce que, mais c'est ça, en tout cas. Ils vont une autre saison, là. C'est... Fait que ça laisse sur la fin, un peu. Ah, c'est vrai qu'on peut les remettre au froid, n'est-ce pas? Faut les mettre dehors, sur le balcon. Malheureusement, les fenêtres ouvrent pas ici. Alors, sur le balcon, hein. Alors, si le feu pogne, on crève. ben, moi, c'est une Smash IPA très facile, là, quand même, très légère. Et puis, voilà. Alors, encore une fois, je remercie énormément Jean-Michel d'encourager Retro MTL et du beau cadeau qu'il nous a donné, de la bonne bière de l'Outaouais. Goûte-nous donc ça, cette Death Row-là. Hein. Ça goûte la mort. C'est très, ça, très bon. Ça doit être très fruité. Hein? C'est très fruité, très bon, puis ça goûte pas l'alcool du tout. Ça goûte pas le 7%. Non, c'est ça. Moi non plus, ça goûte pas rien de l'alcool. Là. C'est wow. On c'est en prendra une deuxième, prendre la route après. Exactement. Dans cette tempête dehors. Là. Oui, oui, c'est le bon moment de se mettre presque ouais, chaud. ça glisse un peu, de moi, pas trop stressé, ça dérape un petit peu. Dom qui a déblayé mon parking tantôt, très apprécié aussi. Je voulais être sûr. Je suis venu en boss. Coopération. Là. Oui. Et puis, on a Anthony Biz, gars, ça, c'est gentil. Merci d'être là pour nous autres dans ces temps difficiles. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On a des temps difficiles, nous autres aussi. Et puis, je veux remercier aussi Antonin Fréchette, qui s'est présent. Là, je n'ai pas demandé si je pouvais montrer la photo. Il n'y a pas d'enfant sur la photo, fait que c'est correct. Il n'y a pas d'enfant, il y a juste une deux. Alors, Antonin s'est présenté ici et magasinait le Game Boy sous mes recommandations. Il écoute le show, puis il écoute les jeux dont je parle, puis achète une coupe. Fait que c'est un bon auditeur. Fun fact avec Antonin, tu sais, à un moment donné, j'ai comme pogné les nerfs sur les compagnies d'amiante et tout ça. Ouais, là, ouais. Puis dire que c'est tout un racket. Puis que c'est genre. Ouais, quand tu fais tes travaux chez vous, là. Ouais. Ben, Antonin travaille pour... dans une compagnie d'amiante. Son père aussi et tout. Alors, quand là, il t'a dit, t'as-tu comme reculé d'un pas, puis tu t'es mis à la garde, là, punché, là. C'est ça, je me dis, oh non, il est plein d'amiante, mon poison. Fait qu'on a bien ri ensemble de ce fun fact. Il trouvait ça très drôle aussi. Des fois, je me sens mal parce que, tu sais, je dis de la merde un peu. Pis, on y aise aussi. Tu sais, mettons, c'est ça, là, sur les classes sociales, puis tout, whatever, les gens qui font ce qu'ils font ça. Puis là, comme un auditeur qui fait ça. Pis là. Fait que bref, c'est comme si je chiais c'est les tuyauteurs. Pis là, je savais pas. Puis là, dans le chat, on a un tuyauteur. Mais c'est pas vrai. Mais c'est ça. Bref, on a bien ri de ça. Il a acheté des bons jeux de Game Boy. Il a acheté Snow Brothers aussi. Très bon achat. Et puis, lui, il a un frère jumeau. Et puis, son frère jumeau, c'est Tom Freshduff. Sur Instagram. Sur Instagram. Oui, qui est la personne qui nous pose des questions cool, de hockey ça. Directement ouais. Sur Instagram. Alors ça, c'est très drôle. 007JF qui arrive. Il y a Fingercut QC qui give des tiers. Il nous avait averti sur ton post Facebook aujourd'hui qu'il allait gifter plein de tiers aujourd'hui. Là. Ah oui. Fait qu'il donne des cadeaux, c'est le Père Noël après le temps. Mais j'ai vu Fingercut aussi sur Patreon qui s'est ajouté 1$. OK. Mais en tout cas, il faudrait qu'ils me disent. Ouais, c'est ça. Il donne ça à Mike Leclerc, à Retro Fans, Retro Gamer Fans. Let's go. OK. Ah, c'est ça. Va-tu partir un hype train, ça continue? Mais là, je t'ai mélangé entre Mike Leclerc et Fingercut, là. Mais en tout cas, bref, l'une de ces deux personnes a patreonné aujourd'hui. Fingercut s'est identifié avec son vrai nom sur Facebook tantôt. Ah, OK. Mais c'est cool tout ça. Non, mais sur Patreon, on a eu un nouveau Patreon. Je sais pas, j'ai pas joué. Là, ça s'est mélangé entre les deux. En tout cas, je sais pas, mais si Mike ou Fingercut ou l'autre nom, Will. Ça en parlera en dehors, mais je pense qu'on peut se linker nos comptes pour que je puisse comme gérer ton Patreon avec Young Media. Il va peut-être faire ça que je vois les messages aussi. Si c'est possible, on checkera ça tantôt. Ben, il n'y a pas de message, mais en tout cas. Non, mais on regardera ce qu'on fait. Ouais. Fait que, OK, ben, hey, merci tout le monde. Tout ça est cool, là. Tout ça est fantastique. Il y a un autre message pour toi ici. Jean-Gabriel Harvey qui dit « J'ai passé au magasin la semaine passée. Papa Cassette a pris un petit 5 minutes pour jaser. Ce fut très apprécié. Je suis un vrai fan de votre show. Ben, » merci beaucoup. Ah, oh, Jean-Gabriel, hein? Est-ce qu'on a jasé en face du comptoir, là, puis... Puis, gars puis ouais, c'est ça. On jasait un peu et puis il me semble que je t'ai vu actif un peu sur le CCJVQ dernièrement. Ah oui, c'est ça, Blackthorn que t'achetais, ouais. Que tu vendais. Oui, c'est ça. Alors voilà. Bon. Tu vois, man, y en a, c'est beau ça. Tout ça, ça me rend heureux, ça. Ben oui. Et puis oui, exact. Donc voilà. Et puis Fingercut, il a mis 1$ sur Patreon, mais. J'imagine qu'il y a une condition. Je sais pas, mais ouais, j'ai vu ça. Donc, merci Fingercut. C'est en US et moi, c'est non. Ah, bon, je suis d'accord avec toi. Ben, il faudrait que je parte un Patreon québécois, un site de socio-financement. Le Patreon bleu, quelque chose. Le patron bleu. Le patron bleu. Oh, ah, ça serait bon, ça. Ah, donne-moi pas des idées. J'ai pas le temps de coder des affaires, mais je le ferais tellement. Là. Nous autres, on donne ici. Ah, on donne. Affaires. C'est pas si dur, là, il me semble. En tout cas. Ben, rien de dur là-dedans. Ben non. Fait que, le patron bleu, wow. C'est malade. Fait que, wow, merci tout le monde. Et puis, merci à Antonin, à Jean-Michel qui nous ont visités et bien d'autres aussi qui sont dans le chat présentement. Cool Pook 179, Cool Pook 179 qui vient de se joindre aussi. Hey. Hey. Tout le monde est de bonne humeur. On boit de la bière à Jean-Michel. La bière à Jean-Mich. Mais c'est vrai. Ah, moi, il faut que je switch mon profil en dollars canadiens. Ah, ah, bon, mais merci de nous j'aille dire. J'aille pas ça avoir de l'argent US, par contre. Ça se fait 40 cents de plus. Exact. Ça vaut plus. C'est 40 cents de là, on l'accumule pour m'envoyer à Vegas, pour après ça le redoubler puis le retripler. Là. Oui, monsieur. Ouais. C'est vrai ça. Puis acheter le musée du pinball. J'aimerais bon. Ça. Hey, GF, parle-nous de toi un peu. Là. Ah, j'ai... T'avais des choses à dire. J'avais la corde au bord du cou le temps des fêtes, là, comme les gags le disent dans Discord. Là, mais... Non, mon temps des fêtes a commencé très rough. Hein. On se parlait un peu, puis on était comme « Ah, oh, j'ai hâte que ça finisse le temps des fêtes. » On a eu des temps des fêtes d'un peu merdiques les deux, je pense. Là. Juste avant que ça commence, mon chat qui rentre à la clinique rapidement. Là, j'ai un vieux chat là, quand même, là, ma vieille gaffie. Fait qu'il est rentré lentement. 16 ans et demi, et je l'ai un peu amené dans un... Enfin, elle a fait pipi dans son crate parce qu'elle était nerveuse. Là, mais j'en prends une de peau depuis très longtemps, là, whatever. Là. Puis j'avais plus de médicaments depuis de la COVID à cause que c'est ça. Là, les affaires arrivent comme ça. Et j'ai appris le terme « bilan de santé gériatrique ». Oui. J'étais comme « Ah, je suis rendu là avec un chat en fin de vie. » Bon, ben cool. Fait que là, j'ai un chat en fin de vie. Elle m'a occupé chez nous. Ce que j'avais appris. Ah, elle est pas morte, là. Elle est pas morte. Non, elle est correcte. Elle avait juste comme besoin de médicaments. Puis ça n'a pas des problèmes de peau. Elle perd son poil. Elle a rendu du poil coco partout. Ah, ben, ce qui est weird, mais en tout cas. Pas morte, la toffe. Elle était très en santé à part la peau. Fait que je veux pas m'en débarrasser, là. Ouais. Fait que ça a commencé avec ça. Après ça, mon gars a décidé que la nuit avant ma dernière journée de job, pogné à gastro. Ah, ça. Fait que là, tu sais, vomi dans son lit, vomi dans mon lit, après ça, vomi dans son lit. Ah, calice, man. Quelle horreur. Dernière journée de job, j'étais à job, sur la cuisine, genre avec. Je suis debout, j'essaie de faire de la soupe Lipton, j'étais en train de gérer un meeting. Lui, il vomit dans le salon, c'est comme, hostie, ça peut-tu finir l'année, genre, de travail? Deux jours, j'ai nous malade, genre, ça allait pas. Le dimanche. Toi, tu es à gastro aussi. Non, mais ça, le dimanche, je suis chez sa mère, je le laisse, il y allait mieux. Moi, je suis comme, hey, j'ai réussi à l'éviter. Et non! Ah. Dans la nuit du 22 au 23, c'était l'enfer. Là. Je me suis levé, je suis comme, oh mon Dieu, que je pogne la gastro solide là. Puis le 23, mon gars était à la garderie, puis la dernière journée, il fallait que j'aille le porter à la garderie, puis j'avais son gâteau de fête chez nous. OK. Pour les amis. Il était pas chez nous, mais je suis comme, lève-toi, va porter un enfant à la garderie quand t'es à la gastro. Là. C'était pas le fun, disons. Là. Ah, t'as réussi? J'ai réussi, je me suis recouché après ça. Eh, hey, si, boire. J'étais chez question nous, de continuer de varloper à gastro partout. Vous me mettez de l'eau dans le salon, comme je bougeais même pas. Tu sais, quand t'es prêt à te coucher dans ton divan, dans une position confortable pour te reposer parce que t'as mal au cœur. Avant midi de temps, puis là, à un moment donné, je suis comme, tu sais, je me couche sur le fauteuil, couvert en polar. Oui, oui. Puis là, j'ouvre la télé, puis je pogne Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ah oui. J'ai fait ça, c'est. Puis je suis tombé knock-out, là. Je me suis réveillé quand il met les souliers dans le bac de. Ah ouais, dans le. C'est traumatisant, ce film-là. Ouais, ouais, il tue, là. Il tue le soulier, là. C'est très, très bon, par contre, là. J'ai pas. Ça fait longtemps que j'avais pas vu. J'ai pas vu ça depuis 1984. Genre. Ah, mais c'est pour vrai, ça vaut la peine de le voir. C'est vraiment bon, mais c'est vraiment ben trop intense pour un genre de film semi pour enfants. Là. Fait, en tout cas, après ça, tu sais, c'est Noël. Fait Noël avec un lendemain de gastro où tu manges pas tant. J'avais juste le goût d'aller me coucher, c'est de la merde. Fait que c'était ça, là. Après ça. J'étais surpris, d'ailleurs. Ben, c'est pour ça que j'étais très surpris. Je sortais de la gastro, j'avais mis une lettre fumée, j'ai filé à moitié. L'homme arrive comme un drive-by dans mon entrée. C'est ça. J'ai pris une seconde avant de savoir ce qui se passait. Là. Nous, on venait de faire le 24 chez mes parents à Saint-Hubert qui habitent à côté de chez JF. Fait qu'on quittait pour j'ai la Beauce. Chez maman le 24. Hey, bravo JF pour tes décorations de maison. Ah, OK. Exact. Puis là, on repasse, on s'en va en Beauce. Fait que je repasse chez JF. JF sortait. Là, je suis comme ça. Hey, JF! la seule minute que j'étais dehors dans la journée. Ouais, exact. Il n'y a jamais personne. Avec ouais. Ça. Après ça, c'était pas payé, là, tu sais. Genre, j'étais allé au théâtre avec mon père voir Revue et corrigée. OK. Tradition que j'ai avec mon père depuis une dizaine d'années, aller voir ça, le bye-bye au théâtre du Rideau Vert, là. Ah, ouais, avec ouais. Avec Pierre ouais. Brassard, là, puis plein de bons mondes, c'est vraiment très bon. C'est ça. Je m'en allais où avec ça après ça? Ben là, ça, c'est une belle activité. Ça, c'est une belle activité, c'était bien, ça se replaçait un peu. Je suis comme, bon, au moins, tu sais, j'ai fait un petit peu de snow, et un petit peu de neige, ça allait, c'était pas si pire. Après ça, commencer à acheter des milliers de dollars de meubles parce que mon gars est rendu à 5 ans, il a eu sa fête. OK, c'est ça, hein? Fait que là, je suis comme, ben, faut que je change un peu la maison. Là. Ils sont encore dans un lit genre de bassinette d'enfant quasiment. Là. C'est, à 5 ans, ça marche plus. Fait que là, OK, on refait la salle de jeu, on fait ça. Fait que je me suis acheté 1000$ de meubles Ikea. Ouais. Pogner des négronis chez nous, monter des meubles en bas. J'étais bien, ça allait bien. Je connais que je tombe sur le Christie de lit deux étages en métal, là. Ouais. Ça se fait pas tout seul, pis sont tough les lits en métal. Comme tu dis, des meubles de riches. Les meubles de riches, là, c'était pas du MDF pis de la mélamine, là. En tout cas, ça allait bien, après ça. On retourne faire du snow. Pis là, je suis au McDo en revenant, pis ma carte de crédit marche pas. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Appelez-nous. Je suis comme, oh, Chris. Carte de crédit fraudée. Bon, là, annule les transactions. OK, bon, 104 jours pour votre carte de crédit. Parfait, j'attends. Le lendemain, je suis dans la douche. Je crie, l'eau est bien frite. J'attends, je baisse l'eau froide, juste l'eau chaude, plus d'eau froide, juste l'eau chaude, juste l'eau frette. Je suis comme, ah, tabarnak, mais attends qu'à l'eau chaude est pétée. Toute l'âge dans cette maison. Puis là, tu sais, j'avais plus de carte de crédit pour payer ça. Ben, prends ta carte de débit, là. Ouais, mais là tombe sans marge de crédit. Là, j'ai comme, bon, ben, je vais appeler Hydro-Solution, ça va être plus simple, ça va me coûter 11$ par mois, puis ça va être réglé. Fait que là, genre, gosse avec eux autres téléphones, pogne les rendez-vous, dedans qu'ils viennent, ils se déplacent. Le gars rentre chez nous, il descend en bas. Ah non, on fait pas ça. C'est pas standard. Ils ont calcé leur camp. Ouais. Mais tabarnak, là. C'est des faibles. T'aurais dû demander à Jean-Gabriel Harvey. C'est-tu. Pour vrai, là, j'étais en calice et un petit peu désemparé, là. Et j'ai même communiqué avec Tito Joe. Ouais. J'ai appelé le seul plombier que je connais pour qu'il me conseille, là. Parce que dans le fond, là, genre, ça, c'est tellement plate, mais dans mon sol, il y a une petite porte, là, puis il y a un petit locker, puis ouais. Ma sump pump est là. Il y a un trou de sump pump, là. Ouais. Mais. Il y a comme la tank était un petit peu par-dessus le trou sur un 2x6. Ok. Et, ah, c'est pas standard, ça peut tomber dans le trou. Je suis comme. Donc la tank est plus grosse que le trou. Ouais, ah, c'est non, ça. Non, ça peut couler, là. Puis comme, faudrait que tu perces, tu la mets ailleurs. Je suis comme, fuck, décalisse, là. Que tu la mettes ailleurs, là, man, que ce petit cabochon. Fait que là, finalement, je parle avec Joe. Joe, il me dit, ah, tu pourrais le faire tout seul. Là, j'étais comme, ah, je sais pas, hein. J'ai l'électricité puis de l'eau. J'ai toujours pas touché à ça. J'ai déjà parlé de ça, puis ça me tente pas. Fait que, en tout cas. Je pense que Joe était très déçu de mon choix de pas le faire moi-même là. Ouais, Joe il veut. En fait, il m'a référé son père, puis je l'ai appelé, puis son père est comme, je suis en terre bonne, savais-tu? Je suis comme, ah, excusez-moi, là, je descends pas 2 heures de char pour venir me poser une tank, là, c'est beau là. Fait que commande la tank, fais livrer la tank chez nous. Tu commandes ça où, une tank? Chez Rona. Ah, ok. C'est juste une tank à eau chaude là. Puis là, j'ai appelé un vrai plombier. Là. Maintenant, j'ai un piscinier et un plombier d'expérience. Ah, plombier expert à Saint-Hubert. Ben, c'est parfait, man. Ça te prend un trousseau de professionnels. Le gars, il rentre, puis il check ça, il dit, ils ont pas fait ça, puis il part s'arrêter. Il dit, c'est pas des plombiers, ces gars-là. Ils sont juste là pour genre, installer du stock, puis s'en calissent. Ils connaissent rien là-dedans. Là, c'est... Avec un bassin de rétention, qu'est-ce que ça se voit? Oui, là, je sais. Là, ouais, mais... la petite. Sauf que, tu sais, on s'entend-tu que si ma tank coule, elle va couler dans le petit trou où ce qu'il y a son pump anyway, là? Ouais. Ah, c'est sûr. En tout cas, mais, ouais. Là, le gars, il l'a fait. Puis, il dit, check ça, il dit, ta sonde pompe est bonne, là, mais il dit, ton enfant en dedans qui tient la sonde pompe, genre la boîte, elle est faite en bois. Mm-hmm. Il dit, c'est pas une bonne idée, là, avec de l'eau, là, ça c'est pourrit. Je suis comme, asti, tabarnak, là. Puis il dit aussi, by the way, ta valve là, qui ferme l'eau principale, elle va finir par lâcher, il faudrait que tu la remplaces, t'appelles la ville, il coupe l'eau de la maison. Je suis comme, ah, ben d'accord, ben ok. Fait que t'as fait ça aussi? Non, je vais faire ça au printemps. Là, printemps puis, ouais. Puis le reste, ça va être quand je vais renouveler mon hypothèque, là, me retirer un peu d'argent puis me faire des travaux. Là. Ouais. Mais bref, ça a coûté 800$ la tank et 1000$ d'installation. Holy shit, hein? Puis c'était en rabais à l'installation. Ah ouais, hein? Ah, c'est chiant. Encore ça. Une fois, le 250$ pour se déplacer, là. Hostie, là, qu'on se fait fourrer. Je sais, on se fait fourrer. C'est... Mais c'est 250$, puis genre quasiment 200$, ça a pris 1 heure et demie, plus les pièces. Puis, mais tu sais, là, je regarde, puis je suis comme. Comme quand j'ai fait faire mon truc de l'électricité de la piscine, là, je regarde, je suis comme, ça a été fait par un pro, là. Ouais. C'est pas biziné par un gars qui connaît pas ça, là. Ouais. Fait que c'est ça. Toujours pas de carte de crédit. Ah non? Ça fait 3 semaines de ça. Hein, c'est tombé long. Ouais, j'ai appelé lundi parce que comme, ça fait 12 jours ouvrables, ils m'ont dit 5 à 10 jours, ben je vais appeler parce que c'est très long, tu sais. J'appelle, il dit, ben oui, effectivement, c'est bien trop long, on va annuler votre nouvelle carte qui s'en vient. Fait que si jamais vous la recevez à un moment donné, annulez-la, on va vous envoyer un autre. Ouais. Je peux pas aller plus vite, non, 5 à 10 jours encore. Ok, j'accroche. Le soir, je reçois du courrier random, carte de crédit dedans. Là, t'es obligé de l'acheter. Faut que je l'achète, je suis comme, asti, ça va-tu arrêter, là? Puis là, tous tes paiements pètent, asti, parce que ta j'ai carte plus d'affaires qui marche plus, là. Genre, fait que là, il a fallu que je change plein d'affaires. Fait que là, tout ce qui passe par PayPal maintenant tombe sur mon compte de banque. Mais genre, Netflix, ça marche pas. Amazon, ça marche pas. Il faut que j'aille m'acheter une carte cadeau Amazon. Pour commander sur Amazon de quoi? Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais, mais c'est de la merde, quand mais même. C'est un peu c'est du gossage, pareil. Là. Ben oui. Puis, tu sais, genre, mon truc de VR, le Supernatural d'entraînement, c'est par abonnement mensuel, carte de crédit seulement. Bon, ben, je fourrais, faut que j'attende. Fait que c'est des petits désagréments, mais ça gosse, là. C'est... Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je suis encore en attente de carte de crédit, une chez nous qui ne sert plus, une qui a été hackée. La vie d'adulte, man. Et mon gars qui agit tout croche à la garderie par-dessus ça. Là, de, fait, tout ça, un par-dessus l'autre. Là. Ouais. Mais maintenant, j'ai mon gars a un lit deux étages avec un bureau en dessous. Très bien chez nous. Très content. Ouais, ah, il doit, c'est ça. Il triple. Il monte l'échelle, il monte. Il est comme, yeah, genre, sa lampe de poche en haut. Là. Ah ouais. Hein. C'était ça. Fait que j'avais hâte que ça finisse les vacances. J'étais comme besoin de me reposer à la job. Là. Ouais. Rentre à la job, je me repose pas pantoute. Non, c'est ça. Des gros projets. Écoute, c'est ça part sur les chats peau de roue. Ouais, mais les chats de la peau puis les roues. Exact. Mais la quiétude va revenir avec le printemps. Là. Ah, mais tu sais, tout va finir par être neuf chez nous. Ouais, bientôt, c'est là, ça. À coup de 1000$, tout chante. Ça me faisait rire. On a parlé ici que chez nous, chaque dépense, c'était 1000$. Ouais. Je reçois la facture du gars de l'électricité, 1000$. All right, leur 1000. Oh, merci. Ouais. Mais ouais. Surtout, genre, le 1000$, après avoir dépensé 1000$ chez IKEA, puis en ayant plus de carte de crédit, j'ai dit, non, c'était pas le temps de faire ça. Là. Ouais, t'as pas le choix, là. Non, t'as pas le choix, man. Ouais, il faut ce qu'il faut, là. J'ai monté des belles étagères Kallax dans le sous-sol, là. Ah ouais, hein? Des, un 4x3 puis un 4x2 à côté. Tout mis des bacs là-dedans, des tiroirs. Puis ouais. Jouets de mon gars, tout rangé là. Ouais. Là, j'ai un bel espace dans le sol, je me sens bien. Fait du bien, ouais, éclairé, bébelle de temps en temps. Blastman qui dit mes sympathies pour ta maison. L'autre, le karma, j'y crois, moi. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour mériter un aussi mauvais karma, je sais pas, là. Non, mais le bon karma, là. Qui va... Il a dit ça quand on disait que le bon temps allait revenir, là. Fait que le good karma. La balance va revenir, du karma va revenir, ouais. Exact. Mais moi aussi, je fais des travaux chez nous. Mon fils est rendu au sol, alors on reprend sa chambre, et puis qui est une très grande chambre double. Et puis, tu vois, moi, je fais des travaux là-dedans, là, la peinture, répare les trous dans les murs, j'installe des lattes et tout, puis des moulures, puis ça me fait du bien. Ça, j'écoute des podcasts, ben puis je m'évade. J'écoute des podcasts, j'écoute Pérus, je montais mes affaires IKEA, je savais quoi faire. Tu sais. Exact. Avant hier, j'ai monté un étagère pour mettre du linge, mon gars dedans aussi que j'ai été racheté. Je passe mon temps chez IKEA de ce temps-ci. Ouais, c'est ça. Tout. Ouais, c'est ça. C'est rendu plus simple, on dirait, le stock IKEA. Plus ça va, on dirait que c'est plus facile à monter. Bah, ça se peut. Ça se passe. Une erreur, moi, à date, là, dans tout ce que j'ai monté. Ben, tu sais, je me trompais pas de temps. Moi non plus, là, mais ça arrivait des fois. Là. Le stock plus compliqué, c'est pas le IKEA, mais l'équivalent, mettons, au Canadian Tire. Ouais. Ben, les livrets d'instruction, man, tu vois mal le dessin, puis tout est petit, puis en 10 000 langues, tu sais, puis il y a du texte partout. Ça, les instructions, là, tu sais, c'est vraiment de la merde. Ouais, ouais. Le lit double, j'ai comme, je commence à monter ça tout seul, je peux pas monter ça tout seul, calvaire, j'appelle mon père. Là. Ouais. Je veux juste lire Jim dans le chat qui dit « Je monte à Montréal cet été, fin de semaine de gars, donc on va chez Arcade Montréal, Rétro Montréal et Tonton en fin de soirée. J'espère te rencontrer, ça va être la première fois chez Rétro Montréal et Arcade à Montréal. » Pour vrai, la fin de semaine, je suis jamais ici chez Rétro Montréal. L'arcade, au Tonton. Je suis souvent au Tonton. On sait, on camastra. Je pense que ça n'existe plus depuis 20 ans. Ça n'existe pas. Et je suis de même. On n'est plus à jour. Le Solid Gold. J'avais des contacts au camastra dans le temps. Mais... ça n'existe plus en l'air. Ah non, le mais. Le Solid Gold. J'allais dire, tu peux aller aux Princesses, là. Mais... sur un... C'est quoi sur Saint-Laurent, là? Ah, fuck. Où est-ce que le North Star, là, tu descends, il y a un bas de ah, il y en a tellement, man, je sais un, plus. Non, mais un classique, là, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus non plus. Les princesses, ça existe plus, ça a un autre nom, puis c'est de la bouffe, là, c'est un restaurant sexy. Ils citent dans Schlaga. mais ouais, non. Deux œufs bacon. Je sais pas, Jim, si on va se croiser, pour vrai, je serais étonné, mais écoute, poke là... On verra, ça se pourrait, on sait jamais. La calèche du la sexe. La calèche du sexe, non, ça existe, ça. Ouais, mais c'est pas ça que c'était je parle. C'était pas à Sherbrooke, ça, non? Ah non, c'était au centre-ville. Ouais, me semble. Le super sexe aussi qui a brûlé, l'enseigne était tellement belle. Il y a beaucoup de sexe ici à Montréal. Ouais, c'est pas ça qui manque ici. Le Bonny à Ciboire, le Bonny à Saint-Jean. Oui, je suis allé au Bonny à Saint-Jean. Ça existe ça encore, ça? Hey, je sais pas pantoute. Non, ben je m'en ai à Finger Cut, là, parce que j'ai fêté ma fête de 18 ans non loin de là et dans l'établissement aussi. Ah ouais, hein? Un grand bout de flou, là, ça, là. Moi, je sais... Mais je peux aller souvent. Mais peut-être au Café Cléo, en fait. Ça peut être la seule place. Ah, c'est là, c'est là que je suis allé. Ah, c'est... ah, sur Saint-Laurent, c'est en bas, là. Ouais. Ouais, non, ça, c'est cool, cette place-là. Quand... Ben, c'est cool au sens qu'il y a... Il y a quand même aussi des soirées thématiques un peu puis tout ça là, tu sais, je pense c'est mettons ça c'est respectable, c'est pas que une dompe, ouais. J'avais déjà été là avec Ellie après genre être allé au pinball un dimanche soir à 10h30, ça c'était triste là. Ah ouais. C'était vraiment triste là. Ah ouais. Fait que ouais, les dames aux mœurs légères. les mœurs et les cuisses légères, mesdames et messieurs. Tu sais, quand t'as la cuisse légère, ouais. Là, c'est qu'elle lève à l'eau facile. Les mœurs. Les mœurs. Fait que, écoute, on serait rendu à parler de la Switch 2. Oui, c'est vrai, puis j'ai mis même un... J'ai dit ça ici. Alors, mesdames et messieurs, il y a la... Annonce. Annonce. Une Switch 2. Wow, j'étais, c'est malade. Frivole de même. Donc là, ça, cette annonce-là que vous avez tous vue nous a été garochée d'en face. Salut, Corn Flake... Flake, Flake 6. SC. Un auditeur régulier du podcast de Papa Cassette. Nice. Très apprécié. Alors, vous avez probablement tous vu l'annonce de la Switch 2 qui a été genre juste droppée de même un matin de semaine. Comme t'sais... Nintendo, c'était très bien le faire. Mais moi, je pense... En réaction à un leak très important. Je pense que ça l'a trop été leaké, puis ça, c'est une réaction rapide de pour panique, juste au moins pour gérer. Tu penses qu'il y avait déjà une vidéo de même, genre prêt en cas de leak? Moi, je pense que cette vidéo-là est prête depuis un an. Ouais. Puis que, genre, ils ont juste, bon, mais calice, faut qu'on on fasse de quoi. Suite, ouais. Bon, on va mettre la vidéo. Puis à un moment donné, la vidéo, il arrête, puis là, il change un peu, il se met à avoir un background full color, puis tout ça, puis il monte Mario Kart. Fait que moi, je pense soit ils ont coupé ou ils en ont collé deux ensemble, tu sais. Ah, ça se peut. Fait que moi, je pense que tout ça a été salement précipité parce qu'il n'y avait plus le choix à cause des leaks incroyables qui sortaient. Et puis, il y aura un Nintendo Direct au mois d'avril pour expliquer les specs. Mais je pense que tout ce reveal et specs auraient été de la même annonce, techniquement, tu sais. Ouais, ouais. Mais là, ils ont coupé le clapette à tout le monde. Donc, bon, ben, ça va être ça. Puis voilà. Fait que qu'est-ce que t'en penses, toi, GF, de ça? Ben moi, on m'a flagué très rapidement que j'avais callé, puis toi, tout le monde callait que ça serait jamais le nom Switch 2 en partant là, sur Discord. Ça, moi, je suis flabbergasté. Ah, moi aussi, jamais. Ça, jamais. La première fois que Nintendo fait ça, ben, appeler une console 2 de quelque chose. Exact, exact. Fait que ça me surprend, mais là, c'est parce qu'ils surfent encore. Est-ce que c'est parce que la prochaine console est plus proche qu'on pense, puis ça sera plus ça, tu sais, ou c'est juste parce que. Toi, tu penses que c'est un entre-deux? Non, non, mais non, pas du tout. Je pense que c'est. C'est que leur branding est devenu tellement fort de la Switch qu'il n'y avait pas d'autre choix, selon moi. Là. Parce qu'ils peuvent pas s'en aller ailleurs que ce modèle-là maintenant pour les prochaines années, j'ai l'impression. Ben c'est que ça a tellement été populaire comme idée. Ça a été une excellente idée, puis c'est la console Nintendo la plus vendue de tous les temps maintenant, je pense. En excluant les portables, ça serait-tu la DS encore la plus j'pense vendue? Je pense que c'est la Switch, voilà. Mais ouais, en tout cas, Switch, certainement. Et puis, tu sais, c'est un grand succès. Fait que c'est sûr, on le dit depuis le début, puis ça, c'est clair, il n'allait pas changer le concept. Non, puis il avait déjà annoncé que ça allait être tout rétro-compatible, les jeux. Fait qu'il faut que tu restes un peu près dans le même style de genre de console. C'est ça. Mais moi, mon analogie de ça, c'est quand... Tu sais, c'est ça que t'as demandé ça à Noël, puis c'est ça que t'as eu. Ouais. Puis là, mais en même temps, tu t'attendais à ce que tes parents t'en mettent un petit peu plus. Ouais, il manque parce un petit candy, c'est le temps. Il n'y a pas un petit chocolat avec un petit quelque chose. C'est comme, hey, je voudrais ma Switch là, qu'elle soit comme plus grosse, plus solide puis plus performante. C'est comme bon, une ben, Switch. Voici. C'est comme une Switch Pro plus qu'une Switch 2. Exactement. Là, c'est vraiment ça. Et puis, je suis très étonné de ça quand même. Mais en même temps, je veux dire, c'est logique. Mais c'est rare que Nintendo fait quelque chose par logique. Au sens que, tu sais, oui, ils vont suivre souvent logique, dans leur propre train, mais dans leur ils vont propre faire monde, un quelque chose de plus. Puis là, il n'y a rien de plus. Vraiment. Mais il n'y a rien de plus. Puis ça s'appelle la 2. Pour l'instant. Mais là, ce qu'on voit présentement. Il y a quand même du stock comme là. Là, ils font une souris. Les Joy-Con peuvent être utilisés comme une souris d'ordinateur. C'est l'année du retour de Mario Paint. Là, c'est ça. Ça se on est tellement dû pour ça. Là. Bon, il y a aussi le... Ça, là, c'est plus ça, c'est rendu clic, là, c'est comme magnétique maintenant, les... Exact, les Joy-Con clipent magnétiquement, apparemment. Est-ce que ça va être solide puis parfait, je sais pas. Moi, ce que je veux aussi, Chris... Qu'ils te lockent quand ils sont... Qu'ils règlent le problème de drift, là. Ben, ils ont pas le choix de le régler, ça. Chris, c'est, là, à un moment donné, ça là, se peut quasiment pas joke, que ça là. Revienne, là, c'est... Ouais. Ils ont peut-être annoncé en douce, si c'est des rumeurs, un nouveau Mario Kart, là. Oui, ben j'ai des connaisseurs de Mario Kart qui m'ont dit, mettons que le Donkey Kong qu'on voit là, il est old school, tu sais, ils ont reskiné Donkey Kong, puis cette track-là, on la connaît pas, puis tout est nouveau, tu sais. Il y aurait peut-être des pit stops maintenant. Ouais, ça, tout le monde voit le pit stop, puis c'est comme, hey, on peut-tu y aller, on veut-tu pas y aller, tu sais. Il va-tu avoir un mode aventure à Mario Kart, qu'est-ce qu'on va faire? Fait que on le sait pas trop, ça on va tout le savoir. On connaît pas la puissance. Non. On a juste vu que l'écran est plus grand, effectivement. On voit dans la vidéo qu'il a grandi. Fait que les Joy-Con avaient un petit peu plus les grands. Les Joy-Con aussi. Sont plus. Donc vos vieux Joy-Con feront pas dessus. Il y a ça, plus c'est... les maudites Joy-Con grip là, qu'il faut que tu glisses. Sont comme, ils rentrent dedans, là, sont genre intégrés dans la Joy-Con. Là. C'est ce que j'ai compris. On va le voir quand ça se. Ah, tu veux dire les petites dragons quoi? Les dragons avec les boutons surélevés, là. Ce qu'on voit qui est rouge et bleu, là, en fait, sur les manettes, on va le voir, là. Ouais. Le stand a l'air beaucoup mieux. Le stand est pas mal plus solide. Ben déjà, avec la OLED, il l'avait réglé pas mal, le stand. Là, ouais, parce que le stand de la première Switch était complètement ridicule. C'était de la vraie marde. Là. Ça, juste un petit rectangle d'un bord. Quand t'as sur un lit, c'était tellement facile à péter. Là. Ah non, c'était dégueulasse. Comme puis, ça, ici, on va les voir, je pense. Mais ouais, plus grand, mais t'sais, sinon, sensiblement la même chose. J'aurais aimé ça avoir un vrai D-pad. Oui. Ça, ici, qui est probablement quelque chose qui renfonce, j'ai l'impression, dans la, comme, t'sais, qui sort, qui rentre dans la console quand elle est dockée. Ah, ça rentre dans la console. Ouais. Que ah ouais, tu penses que ça bouge. Ouais, ouais je pense que ça rentre. Ah, fait que tu peux le pousser avec ton doigt dans ouais. le Joy-Con. Mettons, pas, quand il est docké dans la console, tu l'aurais pas. Tu rentres puis il clip. Après ça, tu le sors puis tu le sors comme ça. Ok, ben attends, on va voir quand ils vont faire les souris. Là, quand il accote. La patente, elle reste sortie. Ouais, probablement que ça faut que tu pèses. Ah, mais là, regarde, c'est différent, là. OK, as-tu vu? Ça s'est détaché. Regarde, check bien ça. Hein. Ah, ça s'est détaché, ah ouais? Il y avait, oui, il y en avait une. Ah non, il y a une crevasse dedans la console. Fait que non, ils rentreront pas. Il y a pas, une dragon que tu peux... Que, ouais, ça, ils rentrent pas et il y a une dragon que tu fait rajoutes. Tout ce que j'ai dit est faux. Tout ce que t'as dit est faux. Mais je l'avais pas remarqué, ça, les dragons qui, pour faire le mode souris. J'avais pas remarqué. Fait que, bon. Mais ouais, écoute... Mais c'est, le mode souris, je dis... Ben, mettons, moi, j'aime bien quand il faut que j'écrive mon nom, là. Ben, faut que ça soit jouable sur ta cuisse, genre. Sinon, ouais, personne joue devant une table. Ben, tu sais, si c'est vraiment ça... Si c'est ça, la gamique qu'ils ont... Si c'est une affaire oui. de plus, OK, mais on s'en sacque pas mal. Là. Des schmops en mode souris. Ça serait hot, hein? Je veux un accessoire, un vrai legit accessoire pour schmops en vertical, là-dessus. Là. Mm-hmm. Ah, je prenais une grosse gorgée ouais, d'un excellent traxo. Fait que ouais, le 2 avril, on va avoir des infos là-dessus. On fera un reveal, je sais pas quoi. Là. Il y a un hands-on aussi à Toronto. On avait envie de payer, d'y aller Rétro-Montréal ici. Aller une journée à Toronto, aller essayer ça, puis checker les boutiques puis tout. Là, mais je pense pas qu'on va le faire. Mais on checkera quand. On pourrait faire un live react, si tu veux. Ouais, c'est pas bien long, d'habitude, les darrers. On pourrait faire c'est sûr que ça va être le matin, là, genre de semaine. Là, fait qu'il faudrait le faire à distance. Ou je me pointe ici, puis tu disais, vous ne rentrez pas dans la pièce. On pourrait faire ça. Ça se fait aussi, là. Absolument. Mais ouais, finger cut, plus pour naviguer sur un browser. Aussi, mais moi, j'utilise jamais ma Switch pour aller sur autre chose que jouer avec. Là. Mais le retour de Mario Paint, c'est ce que je souhaite, moi, c'est en grande pompe. Là. Ça serait pas pire. Fait que, ouais, on est comme bon. Puis là, moi, ce que je trouve weird aussi, c'est que à l'intérieur de l'écran, sur les côtés, c'est de la même couleur que la Joy-Con. Fait que, mettons, t'achètes ce modèle-là, puis après ça, il en sort un autre modèle... Ou tu vas t'acheter des Joy-Con qui vont être vertes et brunes. Ah ouais. Ben là, ta console, le dedans de ta console est déjà rouge et bleu. Tu comprends? Ça matche ouais, plus. Ouais, ben, mais en même temps, tu le vois pas. Là. Ben je sais, mais moi, ça me dérange un peu. Je comprends ça. C'est qu'ils vont vendre des skins à 25$. Parce que le dedans des trous, tu vois, là, c'est bleu avec bleu. Mais là, quand t'as tes Joy-Con bruns, ben là, ça va être brun avec bleu. Ouais. C'est moins de fun. Là. Mercredi le 2 avril. Bon. C'est un rendez-vous. Le matin, on fait ça, puis on reste là, puis après ça, on fait le show. On fait le show le matin, en fait. Ah, on fait un show. On se met chaud, puis on fait un show toute la journée du mercredi. Ouais. Ah ben, jusqu'au soir, après toute journée de show. Ouais, le show est genre de 9h30 à midi. Je sais pas si mercredi, c'est supposé tomber un jour de show, par contre. Hein? Ça serait intéressant, ça. Je peux te le dire tout de suite, ouais. Je le sais rapidement avec ma garde, là, en fait. Là. Ah ouais, bon, ben, check ça avec ta garde. Je check ça ma garde. Fait que oui, C-Book, salut d'ailleurs, bienvenue dans le chat. La rétrocompatibilité est grandement appréciée. Ça, c'était, c'est pas ma semaine. C'était un must. C'est ma semaine, en fait. C'est ta semaine, fait que ça sera mais pas le, le jour, j'ai pas mon fils. Ouais, on pourrait faire ça. Fait que oui, c'est très apprécié. Ouais, par contre, il y avait un petit disclaimer qui disait que c'est pas nécessairement tous les jeux. Fait que là, je me demande, ça va-tu toucher ma collection de jeux Switch Indie, tu sais, ou je sais pas quoi. Ils vont-tu faire des patchs, sinon, je sais pas, tu sais. J'ai beaucoup hâte aussi, puis ça, on le sait pas pantoute. De quoi auront de l'air le packaging de la Switch 2? Ouais, ouais. Ça va-tu être pareil, tu sais, sauf rouge et tout, puis dans le coin, ça va être juste écrit Switch 2 au lieu de Switch, tu sais. Ça, ou ça va être noir, tu sais. Ils sont très noirs dans ce qu'ils montrent, là, en ce moment. Exact. Y a moins, c'est moins coloré, là, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir ça dans la bibliothèque de collection, de quoi ça va avoir l'air. Ouais, moi aussi. Vas-tu l'acheter day one quand elle va sortir, précommander tout ça, là? Ou... Ben, nous autres, on s'est dit ici que chez Rétro Montréal, il faut bien se gâter des fois. Et puis, si on y a accès à plusieurs, on allait chacun s'en prendre une. Ouais. Moi, Martin et Joe. Moi, Martin. Moi, Martine, puis Joe. Et puis, par contre, c'est ça, on nous demandait un peu les précommandes, tout ça. Tu sais, nous autres, pour ce genre d'affaires-là, on n'en a aucune idée. Aucune idée combien on va être capable d'en avoir et tout. Puis, je pense pas qu'on va être en mesure d'ouvrir les précommandes parce qu'on n'est pas gros comme GameStop, puis on ne pourra pas en faire. Regarde, c'est ça, là. Check les dragons, ils vont se détacher, là. Et hop! Ah, ben ouais. Ah. Puis. OK, puis ils doivent rentrer dans. OK, je comprends. Fait que d'autres hosties de traînerie. Ouais. Puis, si on voudrait les mettre en préco, tu sais, ça serait des préco à. Moi, je pense que cette machine-là va coûter. 6,50 canadiens. Ah ouais, hein. Ben, la OLED, elle coûte 4,50. Fait que. Moi, je prédis 6 canadiens. Fait que. Mais, selon les rumeurs et selon Nintendo, il va y en avoir en masse. Fait que c'est à voir. Faut pas oublier que pour nous autres, chez Retro Montréal, mettons que ça coûte 600$, ben nous autres, on va faire genre 5$ de profit là-dessus. Fait que si on commande 30, ça fait beaucoup d'argent pour faire pas d'argent. Ouais. Fait que faut qu'on les revende rapidement, là, tu sais. Fait que ça sera pas évident. Comment ça, Finger Cut, il dit 499 US? C'est son guess. Ah ouais, c'est probablement à cause qu'il a payé Patreon US qui parle en US. Ah ouais, c'est ça. Il parle en US. Il nous dit qu'il est canadien, il est en US. Calibre. Il parle en US. Fait qu'en tout cas, je suis content. J'ai hâte parce que moi, ma vieille Switch, elle drift et puis elle chie. Ouais. Puis tout ça me tape ses nerfs. Puis je me retiens. Là, puis je grind mes vieilles machines. Là. J'adore ma Switch, mais Christ, ça drift les Joy-Con, man. Ça me fait chier. Là. Oh. Pro Controller. Ah, tu joues en NL, ouais. Ils driftent eux autres aussi. Ah, les pros? Ah, ouais. Ben oui. Ah, okay. Ils font par en bas tout le temps. Ça, c'est de la merde. Par contre, là, je l'ai curé. Wow, OK. J'ai joué beaucoup, là, tu sais. Fait que c'est ça. Bon, ben écoute, on va changer de segment. Ben oui. Drette là. On s'en va. Ça va en critique? On s'en va faire de la poudre. On s'en va en critique, mesdames et messieurs. On va mettre la fiche technique pendant qu'on fait de la poudre. Oui. Donc... C'est correct, l'alignement des mots, j'étais plus sûr. Je suis jamais t'as sûr. T'as un espace de trop entre le titre principal puis le. Faut que je m'aligne sur quoi, le haut puis le bas ou genre le milieu ou... Non, mais t'es bien aligné au centre verticalement de l'espace. Ouais. Ça, c'est pas un problème. Mais il y a un retour de trop entre gimmick et développé par. Tu sais, c'est comme un trop gros trou. Ouais. Parce que là, c'est comme si t'as trois retours. J'ai fait ça ici, genre. C'est ça, genre. Non, mais ça, ça va. OK. Mais attends. C'est trop grand. Mais c'est parce que si tu remontes, tu seras plus égal avec. Ah, tu veux que je le remonte puis je le ressemble dans le milieu? Ben, je vais t'enlever un retour ici. Puis que je redescende tout. Là, t'arrêtes de. Ok, je comprends ce que tu veux. Okay. C'est ça. Ouais, j'ai compris là. Okay. Ça aurait pris 28 shows, mais j'ai compris ce que tu veux que je fasse. J'avais reloadé le PSD puis tout, je suis comme. Ah, oh, fuck, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec une ligne là? Gros stress! Anyway. Mais t'es bien centré en hauteur, donc oui. J'ai des bases, là. T'as des bases, là. Ça s'en vient. Fait que Gimmick 2, mesdames et messieurs, développé par Bitwave AB et puis publié par Clear River Games et puis c'est disponible sur toutes. Et j'ai eu ce code-là de nos amis de chez... Embracer, mais voyons, c'est quoi la compagnie parapluie. Exact. Free mode. De Embracer. Donc, il nous envoie des codes. Alors, ils envoient ça, ben, il me le demande. Et puis, je dis oui. Des fois, d'ailleurs, je leur ai demandé des codes pour Under Defeat, qui est un chemin qui sont disponibles. J'ai dit, envoie-moi un code. J'ai pas eu de réponse. En tout cas, on verra bien. Et puis, mais Gimmick 2, ça, j'en ai eu. Et puis, j'avais critiqué Gimmick 1. Ouais. Ouais. À Rétro Nouveau, c'était pas mal dans les derniers jeux, ouais, je pense. Ouais. Gimmick 1, tu peux mettre du gameplay maintenant si tu veux. Gimmick 1, comme on voit présentement, est un jeu de NES qui était seulement disponible en Europe et au Japon et qui vaut une fucking fortune. Et puis, qui a été refait sur Switch de très belle façon. Comme je dis, je l'avais critiqué. Ouais. Et puis là, ben ces gens-là, chez Sunsoft, parce que Sunsoft est en... C'est fait par Sunsoft, ça, Gimmick, en passant. OK. Sunsoft est en feu présentement, là. Puis ils font une suite à Euphoria. Puis ils font plein d'autres affaires. Tout le monde, on adore Sunsoft. Et puis, voilà. Ils ont décidé de faire un Gimmick 2. Ouais, c'est beau, en plus. C'est très, très beau. Je veux d'ailleurs remercier notre ami Michael Baroque Larouche, qui m'a signifié l'existence d'un documentaire sur Sunsoft YouTube. Un documentaire de 2h30 que j'ai écouté la première heure et que je trouve ça absolument fascinant. Alors, si vous aimez le vieux NES et les vieux jeux un peu arcadiches et vous aimez Blaster Master et vous aimez tout ça, c'est toutes des belles affaires, ça. Allez écouter ça. Et puis, donc, dans Gimmick 2, Gimmick, c'est pas compliqué. Ben, c'est très compliqué d'une certaine façon. T'es un petit bonhomme vert, tu fais des étoiles, tu payes sur le bouton, t'as une étoile qui apparaît au-dessus de ta tête et tu la lances. Et cette étoile-là rebondit bling-bling sur les murs un peu partout et sert à tuer les ennemis. Mais aussi, tu peux embarquer dessus et elle te permet de travel un petit peu, là. Donc, c'est ça la gimmick de Gimmick. Et puis, Gimmick 1 au NES, c'est fucking dur. C'est tout cute. La musique est incroyable. T'sais, comme tout est nice de ce jeu-là. Mais Colin, que c'est dur. Et puis... Le 2, c'est un peu la même affaire, tu sais, mais c'est moins une aventure, je trouve, niveau par niveau que le 1. C'est comme des mondes qui contiennent plusieurs niveaux et chacun de ces niveaux-là est fragmenté en petites sections par des checkpoints. Okay. Donc, c'est plus permissif un petit peu, tu sais. Puis oui, tu lances encore des étoiles, puis t'embarques encore dessus et puis, ben, t'es... Tu sais, c'est ça qui est tough avec Gimmick. C'est que tu regardes les gens jouer à ça puis speedrunner ça, puis ils lancent l'étoile, elle rebondit sur le mur, t'embarques dessus, ça te met à une autre place. Mais man, c'est super dur à maîtriser, tu sais. C'est tellement de mécanique de gameplay difficile à maîtriser. C'est pas que t'appuies l'étoile, t'as plus de contrôle du tout dessus, là. Ben, rebondis. Mais t'attires en avant de toi. Fait que, tu sais, si tu veux embarquer dessus, faut que t'attires sur un mur, mettons, en arrière de toi, puis que t'as catch au vol. C'est, faut tout le temps que tu catches au vol l'étoile que tu lances. S'il y avait une option de juste embarquer dessus direct. Ouais, pitch en avant, dessus un peu, Ou pitch-la en dessous de toi, saute dans les airs, pitch-la à tes pieds, puis tu vas embarquer directement dessus. C'est un contrôle ce que t'as lancé ou c'est juste. Tout le temps en ligne droite. Juste en ligne droite. Exact. Fait que non, tu peux pas la lancer en diagonale. Non, tu fais juste la crisser en avant de toi tout le temps, tu sais. Okay. Fait que c'est ça. Puis je me rends compte, tu sais, autant que, tu sais, j'en sens un peu Gimmick pour sa legacy NES, tu sais, autant que je me rends compte que j'aime pas ben ça comme gameplay parce que c'est pas intuitif puis c'est fucking difficile puis tout ça. Je trouve que le 2, par contre, tu sais, il te permet de pas être obligé tant que ça de comme gérer le stress d'embarquer sur l'étoile pour être capable de passer à des places, sinon tu rates le jeu où on voulait, là. Mais tu rates quand même un peu. You're missing out si tu maîtrises pas tant que ça, cette technique, tu sais. Et puis, bon, dans le 2, il rajoute plein d'affaires que tu trouves, là, tu sais, des skins, d'autres couleurs d'étoiles, d'autres couleurs de ci, de ça. Fait que ça, c'est cute. Le fait que les niveaux soient séparés par section comme ça avec des checkpoints, ben, ça permet de recommencer beaucoup, tu sais. Puis ça aide à apprécier quand même là, pour les débutants qui ont du beat. Et puis, tu peux aussi juste tout de suite passer start puis recommencer au checkpoint. Là. Il y a des affaires cachées un peu partout. C'est intéressant de les trouver. Mais ouais, c'est au final, c'est ça. C'est good old gimmick, un peu plus. C'est plus permissif que l'original, bien sûr, mais je peux pas dire que j'ai été comme captivé vraiment par ce jeu-là. Fait que c'est une suite correcte d'un jeu moyen à la base. Ben, je veux dire, c'est comme pour le NES, c'est un jeu assez exceptionnel, très, très, très difficile, mais graphiquement, puis de la façon qui est faite, c'est assez exceptionnel là, quand même. Là, t'sais. Puis là, quand ça vaut cher. Là, si on parle, vaut des milliers, des centaines et des centaines de dollars en boîte, sûrement super cher. T'sais, fait que bref, pour la NES, c'était genre un petit chef-d'œuvre, mais fucking difficile, assez unique, puis quand même hot. Puis là, le 2 comme ça, ben c'est moins spécial, tu sais. Ils reprennent ça, puis c'est cool, puis on est content, mais c'est pas spécial, tu sais. Ouais, OK, ils surfent sur le fait que c'est un remake d'un ancien jeu qui était bon au NES, mais à part de ça, ça fait un jeu ordinaire un peu. Ben, un peu, tu sais. Ou c'est peut-être juste moi là qui est pas fait pour cette gamique-là, tu sais, parce qu'il y a plein de puzzles aussi. Tu sais, je veux dire, c'est intelligent, là, c'est bien fait, mais d'ailleurs, je vais avouer que je me suis pas joué si longtemps que ça, puis je me suis tanné, puis j'ai préféré essayer autre chose, là. Mais c'est ça, j'ai pas le goût d'y revenir vraiment. Okay. Mais ça, je pense que c'est de ma faute. C'est moi qui sais pas apprécier les affaires. Fait que, comme Mike dit, ça a l'air pas pire. Larry dit publish des bons jeux, Clear River. Ben, des fois oui, des fois non, on va te dire. Mais essayez-le. Je dis pas que c'est de la merde. C'est difficile. Vous pourrez trouver le courage. Moi, j'ai décroché assez vite. Mais je salue l'effort et je suis tout de même très heureux qu'existe un Gimmick 2. Et j'espère qu'il y aura un Gimmick 3. Et puis, j'encourage Sunsoft à travailler fort pour relancer toute leur franchise le plus possible. Alors, pour toutes ces raisons, je vais donner un 3 à Gimmick 2. 3 pommes, mesdames et messieurs. Ouais. Et puis, je sonne très négatif, mais c'est moi qui est négatif. C'est pas le jeu, c'est moi. J'ai personnellement eu moins de fun. Je suis un peu tanné de Gimmick, là, finalement. Fait que je rejouerai pas à ça. Mais c'est pas parce que c'est de la merde. C'est intéressant. C'est intéressant. Et voilà. Et voilà. T'as-tu aimé quand j'ai le vétérinaire? Je t'ai envoyé mon échelle de Bristol du vétérinaire. Ben oui. Je suis parti à rire quand j'ai vu ça sur le mur. Bon. Oui, parce que les gens qui connaissent pas notre rating de pommes, c'est une référence à que les pommes te feront faire des bons caca. Ouais. Et puis nous, le caca, on a ça à cœur. On a l'échelle. On l'a ici tout le temps à portée de main quand on a besoin. Là. Toujours. L'échelle de Bristol. Le plus souvent, on le met à l'écran, le mieux c'est, je pense, pour les Patreons. Exactement. T'sais. On a toute la marde ici que vous chiez. Toutes les types. Et puis le type 4 semble mieux, quoique type 3, j'haïs pas ça, là. Mais ouais. Donc c'est la marde, c'est important. Là. Finale en PSO, toujours tout le monde. Ça va bien se rappeler. La finale en PSO. Donc voilà. Fait qu'on serait déjà rendu aux questions du public. Donc, Paul, la toune de Blaster Master pour 1h30. J'ai pété du pour vrai. Non, mais c'est une blague. Non, c'est pas ça que je veux. On veut pas achever les gens. Avant qu'on aille dans les questions de Facebook, il y avait une question sur Discord de Antonin. Vas-y, vas-y. Moi, je vais sortir de la bière pendant ce temps-là. Yes. T'en as-tu besoin d'un autre? Pas tout à fait, mais je vais la refaire. Tu serviras quand tu veux. C'est ça. En fait, Antonin, Marc-Antoine vient qui me demande de me pendre sur Discord à chaque semaine. Sinon, me parle des conditions de ski à Bromont. Fait que c'est une belle relation que j'ai avec lui. Il demande, parce qu'il avait laissé une question l'autre fois, puis j'ai oublié de la ramener. Il dit, question qui fit avec le running gag de GF sur le suicide. Il dit, vous êtes sur le death row. Au lieu d'un dernier repas, il vous offre un dernier jeu. À quoi décidez-vous de jouer? C'est un peu tricky, cette question-là, parce que ça dépend juste si tu as le temps de faire le jeu ou t'es comme, t'as 2 heures pour jouer, puis après ça, c'est fini. Là. Ben, sinon, tu prends un RPG ou World of Warcraft qui finit jamais, puis... T'as truqué le système, là? Ben, il y a ça, là. Mais moi je dirais sur un temps X limité pour jouer à quelque chose, là. Sinon, ça marche pas, là. Ouais, ouais, sinon le diable. Le diable est pas cave. Ben, là. Ouais. Ben, le diable est des détails. Ouais, les pendeurs de gens. Les pendeurs. Ouais, parce qu'ils te pendent encore quand tu t'en vas en prison, là, sur le death row. C'est ça, ils te pendent pour vrai. Un dernier jeu. C'est dur à choisir. Ben, tu sais, si on a très peu de temps, moi, j'irais avec quelque chose que j'aime, là, genre Castlevania au NES, Contra, tu sais, des affaires comme ça. S'il faut que je burn du temps un peu, peut-être je referais... Peut-être que j'essayerais Final Fantasy VII pour la première fois de ma vie. je miss out là-dessus, là. Ouais. Mais sinon, ouais, ça serait un beau un jeu NES qui me rend heureux, là. Quelque chose comme ça, là. Ou si je veux précipiter la mort, ben, ça serait peut-être Amagon, mettons, ou Bayou Billy. Genre, c'est ça qu'il dit, le monde est dans le Discord, genre, voyons. J'ai un blanc, excusez. J'ai des sidetracks par mon téléphone qui est seul. C'est ça, ton téléphone, tes enfants. Tu peux le prendre. Non. Bon. Rondo of Blood, j'avoue, hein. C'est dans les temps aussi, j'écoute, je sais pas si vous écoutez, commence déjà à être chaud. Si vous écoutez Castlevania Nocturne sur Netflix, la deuxième saison de Nocturne, c'est là, j'en parlerai plus tard, j'ai pas fini, mais c'est très bon. Fait que ouais, moi ça serait un Castlevania, là, feel good game là, en ce qui me concerne. Sinon, Breath of the Wild, Fenrir qu'une brise d'écurie, là. Ou Fenrir très vite, Clou-Clou-Land, quelque chose du genre. Là. Un petit gain de Clou-Clou-Land, là. Puis... Avant de mourir, ouais. Là. Le tu rebondes partout, c'est fini. On demande quelle bière tu viens de prendre dans ton mix. Oui, le Padre. Moi, j'ai pris une Van Full of Weirdos. C'est une Juicy IPA. Elle est à 6,2% et c'est d'un houblon de Simcoe. Heavy Simcoe IPA tropical. Mais si... Je la trouve pas. Là, en couleur, je vois la couleur, là, c'est comme de la pisse, là. C'est jaune. Mais je la trouve pas si tropicale que ça, là, par contre. Ah ouais. Ouais. Ben. C'est une des meilleures, celle-là. Ah ouais? C'est-tu toi? C'est-tu toi, Jean-Michel Le Padré, ou comment se fait-il que tu connais ta bière de l'Outaouais? C'est un brasseur que tu connais? Ah, il aime bien. Il aime bien. Mais je pense que là, c'est une deuxième à épier. Fait que mon palais, il est déjà imbibé de la première, là, tu sais. Fait que ça. Je pense que si j'avais pris celle-là en premier. Ah, c'est toi? Bon, ben, hey! On t'a encensé au début du spectacle, tu réécouteras ça. Donc, merci beaucoup. Et puis, ouais, je pense que mon palais est un peu. Il est un peu fucké, là, à cause de la première. Tu sais, plus que tu bois des IPA un moment donné, comme. T'es goûté plus, là, tu sais. Mais je pense que ça aurait explosé plus si ça avait été. Comme quand tu parles qu'un vin bien fort, là. Ah, c'est ça. Exact. Tanné. Fait que voilà, écoute, on saoule, Jean-Michel, on saoule. Merci beaucoup. Tom Fréchette. Tom Fresh Duff. sur Insta. Là, on répond aux questions que j'avais demandé de la semaine et demie. Il y a une chier de questions. Là. Ouais. Le monde était impatient qu'on réponde à du stock. Là. Ben, on est là. On est là. Ah, il y a Tom Fresh Duff puis son frère jumeau Antonin qu'on a encensé aussi au début du spectacle. Donc, Tom, il dit « J'aimerais vraiment découvrir la série Castlevania. » J'ai toutes les consoles pour les jouer. Pourrais-tu me conseiller un 2 rétro, un 2 plus récent, exemple Bloodstained ou peu importe, ou une compilation à choisir? Ben là, rétro, c'est passé large, tu sais. Mais si tu veux, NES fait Castlevania 1. Tu sais, le 3, c'est plus long, là. Moi, je te conseille le 1 au Super Nintendo, Super Castlevania, qui est très différent quand même des autres, mais je trouve que c'est une expérience qui vaut la peine. Symphony of the Night. Écoute, dans les Metroidvania, Castlevania, ouais. C'est le classique. Ça, t'as pas le choix. Il faut que tu joues à ça un moment donné. Je te recommande chaudement, bien sûr, la collection Castlevania Legacy Collection, ouais, je pense, ouais, sur Switch, que ça s'appelle. Où est-ce que là-dedans, t'as le NES, le Super NES, le Genesis. T'as du stock en tabarouette. Et puis, fait qu'avec ça, t'es en business. Puis Bloodstained... Tu sais, tu peux jouer à Bloodstained Ritual of the Night, mais c'est comme un peu une inspiration de Symphony of the Night. Symphony est meilleur. Fait que, tu sais, mais Bloodstained, les Curse of the Moon 1 et 2, c'est une très belle expérience, tu sais, Castlevania-esque rétro. Je te recommande ça chaudement. Au Game Boy, je te recommande Belmont's Revenge. Game Boy Advance, je te recommande Area of Sorrow. Sur DS, je te recommande Dawn of Sorrow. Et sinon, écoute, si tu veux aller aventure un petit peu, Curse of Darkness sur PS2 et Xbox OG, ouais, ça, tu peux essayer ça. Moi, j'avais apprécié. Je trouve que c'est un petit peu plus deep que Element of Innocence. Mais ce qu'il y a de bon avec Element of Innocence, qui venait juste avant sur ces consoles-là, c'est que c'est les vraies origines de Castlevania. Ça vient de où le fouet? Dracula et qui, puis qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi. Fait que ça, c'est très bon. Moi, à ta place, je me tiendrais loin des Lords of Shadow. C'est ça, hein? Lords of Shadow? Sur PS3, là. Ouais. Fait que, en tout cas, ça, c'est de la merde. Ça, c'est pas bon, ça. Fait que je t'en ai donné pas mal. Donc, ouais. Puis, c'est ça. Rondo, écoute, c'est un must aussi, en effet. Rondo est disponible sur... attends un peu, il vient pas juste d'avoir... Il y a une compile de Symphony of the Night et Rondo sur PS4. C'est Requiem, je pense que ça s'appelle. Donc, ça, c'est un must. Il est là aussi au PSP, si jamais t'as une PSP chez vous. Mais Symphony, Rondo, c'est bon. Là. Puis, je fais Rondo en premier parce que Symphony, c'est la suite. Et les trois collections sont dures à battre côté qualité, ouais. C'est bon jeu, ça. Tu fais des DLC. Blastman qui demande si ça jase. Avec Papa Cassette, tu avais fait une vidéo sur Castlevania à réécouter. Ouais, vous pouvez écouter Rétro Nouveau, même épisode 3 ou 4. Ah, peut-être, ouais. Ouais, j'avais couvert les Castlevania. Sinon, allez sur le. Ben, pas là, là, mais après, sur le Twitch de Young Media, écouter les archives qui roulent encore après un an là, de... J'ai retweaké ça un peu. Ça roule. Absolument. Tout le temps un peu de monde qui écoute. Bizarrement. Qu'est-ce que tu bois, toi, Jeff? Je bois une bière qui s'appelle I Wish Doug Was More Like Gary. Ils sont très cool, les noms de bières, quand même. A Refined Fool IPA. Donc, C'est moi, ça. Combien de pourcentage, ça? Je pense que c'était 5. 5 ans, ouais, c'est ça. Des IPA pas trop torchés, là, c'est quand même agréable aussi. Là. Ben oui. En effet. Oui. D'ailleurs, je suis allé googler cette business-là. Faut que je me souvienne du nom. Je vais le lire sur la canne. Foolishly Good. Ouais, c'est pas un plus doux que l'autre. C'est Refined Fool, en effet. Puis, ils ont un très bel espace. Là. Ça a l'air d'être un petit beau projet. Alors, voilà. Malade. Maintenant, Antonin Fréchette. Donc, le frère. De l'autre. Hey, c'est son frère. Salut, les gars. Quel conseil pour se faire un setup de pauvre version Super Nintendo? RCA sur TV d'aujourd'hui ou conversion d'un adaptateur HDMI branché directement sur la SNES? Hey boy. Mais là, c'est parce que setup de pauvre, ça, pour ceux qui connaissent pas la référence, c'est moi qui filmais mon game. Moi, je jouais sur une CRT, puis je filmais avec un téléphone, ouais, genre ouais. Ma game. C'était un setup de pauvre. Puis c'est très drôle. Faudrait que j'en refasse, mais c'est, chez nous, je suis pas à l'aise. Mais là, si tu veux dire par setup de pauvre, juste un setup, et non d'être obligé de le filmer, je te dirais que, tu sais, comme juste RCA sur une TV CRT, ça reste c'est bon. Là. C'est la base, mais ça reste agréable. Sinon, ça prend une Super NES classique en HDMI. Là. Ou un Analog Pocket rendu là. T'sais. Mais pauvre, CRT. Là. Ben, moi, je préfère jouer RCA sur une TV. Ben, il dit. Attends, RCA sur une TV d'aujourd'hui ou un convertisseur HDMI branché directement. Ah, fait qu'il n'y a pas de TV CRT. Il n'y a pas de CRT. Fait que moi, ouais. Ben, si t'as une télé moderne, il n'y a techniquement plus de port AV dessus. Fait, c'est mais vrai. T'as une télé moderne, mais vieille, tu sais. Ah, fait que d'après moi, il faudrait que tu l'essayes, là. Mais si tu prends un convertisseur, tu sais, c'est pas un upscaler, tu sais. C'est juste un convertisseur. L'image sera pas tempête, là. Wow, ouais. Mais tu sais, nous autres ici, on vend au-dessus de 100 consoles par mois avec des convertisseurs, puis le monde y achète ça, puis ils triplent leur nostalgie, tu sais. Fait que. T'sais, nous autres, on est anal, là. On est vieux de la vieille, on est plus impressionnés par rien, puis on est malheureux. Fait que, t'sais, ça, c'est autre chose. Mais si tu veux te pogner une TV, ouais, mais le monde, ils veulent pas des télés CRT chez c'est eux. C'est trop gros, c'est ça gros en tabarnak. C'est ça. Mais une bonne CRT, là. Une Toshiburai, là. Oui, une Toshiburai, c'est appréciable. Jean-Gabriel Harvey qui disait: je voulais un analogue Super NT. Tout le monde dit c'est le best, mais c'est rendu à 1000$, c'est fou. Ben, je te recommanderais, mon cher tuyauteur, de suivre les médias sociaux de Retro Montréal, hein, où est-ce qu'on a reçu plusieurs consoles analogues, puis il me semble qu'on en a une, et puis on les vend pas 1000$. Mais on va en avoir, fait que ça, c'est bien. Blastman, il parlait de l'épisode 116, spécial Castlevania sur YouTube de Papa Cassette. 116? Ah, j'ai-tu refait tout seul un épisode de Castlevania, puis j'ai oublié. Ça se pourra. Non, ça se pourra. Un PVM, bon, ben là. Allez-y. Mais ouais, Domaine 1, 2, 3. T'es dans le top, là. Un moniteur PVM, ça, c'est le plus. Mais tu sais, il faut que tu achètes des câbles, tu sais, des câbles Péritel. Des câbles Péritel, ouais. Ouais, puis que ça, c'est un autre monde, là. Que si t'es prêt à embarquer dans ce faut monde-là. Faut que tu calibres ça, c'est ces moniteurs-là aussi. Là. Ouais, ouais. Mais c'est sûr, là, ça c'est les, anal. C'est des moniteurs qui utilisent en TV, là, faire dans exact. Genre, c'est du RGB pur, là. Ah, ouais, c'est un signal pur. Ah, le rouge coupé, peut là. Couper la rétine. Ah, direct, ouais, là, ouais, ça. C'est merveilleux, ça. Ah, des couleurs pures. Fait que voilà. Papa Godzilla, toujours dans... Instagram. OK, ça roule? Ça roule en esti. On en a quelques-uns. On en a trois, quatre. Si, mettons, il y avait un concours de dessin pareil, parce que c'est le 15 ouais, c'est... janvier, vous dessineriez quoi? Ouais. Ben, sûrement des pénis, là, puis ça, des affaires ouais, de même. Je suis très, très pas bon en dessin. J'ai un petit doodle de deux yeux avec une bouche que je fais, là, à peu près tout, là. Ouais. Ben moi, je fais, mettons, je suis au téléphone, puis là, je griffonne parce que je gosse, là, ouais, tu sais. Ouais. Je fais tout le temps des affaires abstraites, tu sais. Je fais des ronds, puis là, je mets des bords au travers. Ah, moi, là, je mets des triangles au bout de mes bords, puis là, je fais des ronds. Ah, puis là, ça devient comme une espèce de symbole vaudou, là. Moi, je fais genre un carré. Puis dans le milieu de mon carré, je pars un autre carré, là, je réaligne, ça fait une boîte. Là, ouais. Une maison, puis je... Ouais. Mais pour vrai, moi, je suis pas bon en dessin, tu sais. Puis moi, je me suis inscrit au cégep en graphisme, tu sais, à Québec, au cégep... c'est quel cégep à Québec, donc? À Sainte-Foy. Quand le cégep de Sainte-Foy, ouais, en graphisme. Puis j'ai été refusé. J'étais allé faire l'examen sur place. Puis il fallait faire du dessin d'observation aussi. Puis j'étais pas bon. J'ai été refusé. Mais j'ai été accepté à Sherbrooke, là où il n'y avait pas d'examen. Mais il y avait des pantalons et des merelles en masse. ça des manque pantologues pas. Des ça manque pas à Sherbrooke, ça. Oh my god. Tout le monde a bien randonnée pédestre, ça me fait capoter. Et puis, ben des hippies là-bas aussi, oh, tout oh, ça. C'est grano en tabarnak, Sherbrooke. Ben, du moins à l'époque, tu sais. Moi, ouais. Et puis, c'était pas mon vibe pas en tout, mais j'allais vivre. Ben, ouais, on était heureux, là. C'était paisible. Et puis, fait que. Puis j'ai fait un deck en graphisme puis un bac en design graphique. Puis je fais du graphisme à tous les jours de ma vie encore aujourd'hui. Et je ne sais pas dessiner, man. C'est pas bon, là. T'sais, c'est tellement dur. Fait que... Je suis pourri, moi aussi. J'ai pris des cours quand j'étais plus jeune parce que je voulais être meilleur. Puis oublie ça. Ouais. Dessiner un cheval, genre, je l'ai encore, c'est dégueulasse. Là. Non, mais il faut que tu dessines continuellement. Ah, ouais, tout à l'heure. Je l'ai pas. Non, moi, j'ai pas le goût. J'ai pas le goût. Ça m'intéresse pas. Non, moi, j'avais le goût, mais j'avais vraiment pas le talent. J'ai pas cette fibre artistique-là pour le dessin. Je l'ai ailleurs, mais pas pour ça. Là. Ouais. Ben, je l'avais un petit peu, mais pas assez pour continuer. Ouais. Mais oui, ça, je dessinerais sûrement des pénis ou des niaiseries de même. Mais ben, le pire, c'est que je dessine même pas tant de pénis. Mais par contre, je dessine très petit. Oh. Puis j'écris très petit, moi, dans la vie. Je sais pas pourquoi, tout est petit. Mettons, j'ai une grande cheville, j'ai un petit coin de rien. Mouche dans le coin. Oui, c'est très, tout le temps très petit. Mes esquisses très petites, c'est étrange. T-Dave, toujours dans Instagram. C'est quoi ta carte graphique? C'est une drôle de question. RTX 4080 chez nous. Ouais. C'est ça? Je pense que c'est ça. Ouais. C'est bon, ça? C'est dans les tops, là. Ça coûte cher, ça. Ça a coûté 1200$ quand je l'ai acheté, là. Tabarnak. Là, ça vaut quoi, 30$? Non, on voit encore là, c'est à peu près ce prix-là. Là. Ah ouais, OK. C'est dans les top. Là. J'avais une GTX 1080 sur mon autre ordi, là, chez nous, que pour le VR. Puis là, quand j'ai monté mon autre ordi, qui est celui que j'ai en ce moment, que je me serais plus pour la job, parce que j'ai un laptop pour la job, je suis comme top, direct top of the line. Non, il va. Sors le gros cash. Ah ouais, hein? Puis je m'en sers pas pour jouer. À peu près pas. L'important, c'est de pas être équipé en pauvre. Non, l'important dans la vie, c'est d'avoir l'option de pouvoir pas jouer. C'est ce que je dis souvent avec Ellie puis Matt Bonnet. On est comme, on veut pouvoir jouer, mais prendre la décision de ne pas jouer aussi. Oui, exact. Je veux que ça soit là, puis si je veux me le faire, je jouerai jamais à ça. Mais je veux pouvoir jouer si ça me tente. Mais tu vois, moi, je travaille là-dessus présentement, puis je laisse aller des affaires aussi un peu. Là, comme là, je vends ma collection Switch. Tu sais, je dis, hey, ça fait 8 ans que j'ai une Switch, puis je joue genre une fois ou deux ans. Puis là, l'autre fois, je me dis, là, ça suffit. J'essaye mes jeux Switch. Puis tous mes jeux Switch que j'aime moins, je vais les revendre, tu sais. Puis là, je suis comme, j'ai normalement pas de plaisir à essayer mes jeux. J'ai pas de temps pour essayer 3-4 jeux. Non, mais j'aime mieux. Je dis sur Switch. Switch? Est-ce que je voulais dire oui? Ah oui. Mes jeux, oui. J'arrête pas de me mélanger à de la Switch. Je veux tout le temps dire oui et Switch, parce que ça inverse tout le temps dans ma tête. Ah, mes jeux, oui. Je m'assois dans mon sol, je dis, je joue à la Wii. J'essaye Alien Syndrome. J'essaye tous ces jeux-là que j'ai récupérés avec le temps. Fishing Resort. Puis j'essaye d'avoir du plaisir. Puis ça me tente jamais. Parce que j'ai tout le temps le goût d'aller jouer à Switch à la place. C'est toujours mieux maintenant. Ça. Fait que je me débarrasse de ça. Mais tu vois, j'essaye. Là, j'ai plein de belles affaires chez nous. Une belle Saturne avec tout dedans. Puis un mode Terra Oignon. Puis j'utilise jamais. C'est quoi ça pour... C'est comme un module que mets dedans, okay, qui permet d'avoir toute la librairie, puis nice, que ça soit tight, puis tout ça. Et puis Terra Oignon, c'est une compagnie. Ils l'ont fait aussi pour la Dreamcast, ce beau module-là. Puis je joue jamais. Là. Et j'ai toutes les shmups. Faudrait. Faudrait le faire au WEG au moins, ça, les shmups Saturn. Faudrait que j'amène. J'amènerai ma Saturn, puis on jouera en beau, en glorieux S-vidéo sur la Toshiburai. Ben oui. Ok, on fait ça, on fait ça. On fait ça. Mois de mai. On viendra ensemble dans nos culottes. J'ai assez hâte. Il va faire chaud pour faire de la plancha en short. Ah ouais, moi aussi j'ai hâte. J'aime ça l'été. Ah, moi avec. Là, on va tricher un peu. Il y a des questions sur la publication d'aujourd'hui qui annonçait qu'on allait faire un spectacle ce soir. C'était pas supposé, mais il y a le monde qui a posé des questions pareilles. Fait qu'il y en a 5, on va les faire vite. Notre bon ami Éric Théroux. Bon show d'homme, et je me demandais, as-tu déjà vécu le « je suis rendu meilleur que mon père avec tes enfants par rapport aux jeux vidéo ». Moi, ça me fesse dedans avec mon plus vieux cette année. Je suis rendu meilleur. Ah, que, genre que mes enfants sont meilleurs que moi. Ouais, ben, il y a longtemps que mon plus vieux me domine. J'ai jamais été bon à des first-person shooters ou de Rocket League. Tu sais, mon gars, il joue à des jeux à NHL, à FIFA. Il joue à des affaires que je joue pas. C'est sûr qu'il m'anéantit s'il faut qu'on joue à Fortnite. Il est où le R3? Il va me tuer 8 fois, tu sais, en 10 secondes, même pas, tu sais, j'aurais même pas bougé encore. Ben, c'est clair. Par contre, c'est sûr qu'il est pas capable de jouer à fuck all de ce que moi je joue. C'est les joueurs Balloon Fight. Ouais, gros combat de Balloon Fight. Mais mon plus jeune, non. Non, je domine mes enfants dans mon spectre dans de ton, jeu. Dans ton range, ouais. Et mon plus vieux me domine dans son spectre de jeu. Mais mettons, je joue pas à Mario Kart. Puis mon plus jeune joue à Mario Kart, puis il est rendu meilleur que moi parce que je ne joue. C'est juste que je joue pas à Mario Kart. Il est sûrement meilleur que moi, en fait. Ça se pourrait. Toi, t'es pas rendu là du tout, alors. Game un peu, mais pas beaucoup, là. Tu sais, des très petites affaires, là. Exact. Il a joué à Narc hier, par exemple. À Narc? Sur mon IK, là, j'ai genre une collection de pirates, puis il y avait Narc. Puis là-dessus, je suis quand même okay, là. Parfait, ça, tirer des drogués dans la face. Des seringues. Des lance-roquettes direct dans des pushers. Ramasser de la coke. Il va prendre la vie à Brooklyn. Ah, ouais. Écraser du monde en Porsche. Là. Tout ce qu'on veut faire. Tout ce qu'on veut faire à Saint-Hubert quand on grandit. Là. Une éducation propre. Là. Hey. Pascal Gartin, a.k.a. Finger Cut. Ben, ça, tantôt, je l'ai hâté, mais c'est lui. Il est là, il est dans le chat, il dit « Oh yeah, je sens un élan de générosité monter en moi, une pluie de sub-gift. » À l'image de nos tempêtes infernales, qui sait? Bon, ben, il est thématique, très... il donne des cadeaux, il c'est le Père Noël. Il est de bonne humeur et généreux, alors non, c'est très apprécié. Faites bien ça, merci. Merci beaucoup. Jean-Michel Racine qui dit « J'espère que ces bières-là vont être bien frettes. » Donc oui, t'es dans le chat et t'es dans les commentaires, elles sont bien froides. Il est dans notre estomac aussi en ce moment. C'est délicieux. JC Goyette, allez-vous reprendre les questions posées lors de la dernière publication? C'est là qu'on s'en va! Oui, on s'en va là maintenant. Non. On racule. OK, il y en a pas mal. Et la toune de DuckTales. Ouais, puis j'aurais dû pour me taper une petite game de CD Connection juste pour la chanson, je pense. Ah, ben certainement. Ça me remonte le moral dans la vie, des fois, c'est CD Connection. Ça aussi, cette toune-là, par contre, là, me remonte le moral beaucoup. Là. Sûrement. Ça, c'est dans les meilleures chansons de track de jeux vidéo de tous les temps, je pense. Ouais. Celle-là, là. Mais j'aime ça qu'on dise ouais. Chanson alors chanson, que ça mais... chante pas. Ben, ça reste une chanson, une pièce musicale. Mais c'est drôle, c'est comme dire le spectacle. Ah. Je serais dû me taper DuckTales. C'est un classique, c'est un classique. Rien fait de mes jeux classiques au sein des fêtes cette année. J'étais trop malade, mais genre. Même pas Petite Sirène. Pas Petite Sirène, pas DuckTales, pas Mario 2. Je me suis pas fait chier sur. Battletoads. C'est pas arrivé. Pas de Mario 3. Non? Mais pour vrai, moi, j'ai gamé à plein d'affaires, mais j'ai rien fini. T'sais. J'ai essayé plein de jeux. T'étais au buffet de jeux. Oui, je me dis, je déballe ce jeu Switch-là que j'essaie. Spiritfarer, je me suis lancé là-dedans. Là, je suis comme, oui, mais. Pas sûr. Puis c'est ça, j'en ai launché plein. Puis des jeux rétro aussi, là, j'en ai essayé plein. Puis j'ai comme, non, j'ai pas accroché. Bad Dudes, man, au NES. Je me suis mis à jouer à Bad Dudes. J'ai testé ici, chez Retro Montréal, pour le mettre en inventaire, le tester avant de le mettre en vente. Puis finalement, je me disais, je vais l'essayer pour vrai. Tu sais, juste jouer à ça une fois quand j'étais jeune. Ouais. Puis j'avais été très déçu. J'avais une crise de bonne run. Fait que là, je me suis essayé chez nous. Puis j'étais rendu loin, genre avant-dernier niveau. Mais il n'y a pas toujours des continues. Ah, fait que là, voilà. J'ai été en calvaire quand j'ai vu ça. Mais je me dis, Bad Dudes au NES, man, c'est pas bon. Mais je serais peut-être capable de le grinder pour le finir. Mais ouais, mais plus de jeux. On jouera à plus d'affaires éventuellement. Ouais, ben ça va revenir. Mais en attendant. Ah, c'est cyclique en effet. Mais en attendant, on va répondre à la question de J-Bob. Bonjour, Dominique et Jean-François. Allô. Je vous écoute depuis de nombreuses années. Ça, c'est impressionnant. Et j'adore ce que vous faites. Je suis donc un long-time listener, first-time caller, comme on dit. Cool. Je suis devenu papa dans la dernière année et c'est très intéressant d'écouter vos impressions, vos perceptions sur la paternité. Merci pour vos partages. Ma question est la suivante. J'aime ça comment c'est proprement ordonné comme commentaire. De quoi êtes-vous le plus fier face à votre paternité? J'allais vous poser une question plus complexe, mais j'avais pas envie de me faire virer de bord à la première question que je pose. Peut-être une prochaine fois. Merci à vous deux. Au plaisir de vous écouter. J'écris comme un gars de 50 ans, mais j'en ai seulement 33. Ben, félicitations, ben cher ouais, J-Bob. C'est-tu Jean-Robert, peut-être? J-Bob, Jean-Robert. Mais très belle plume. Et, c'est très propre, tout ça. C'est très appréciable. Et il manque de ça dans la vie maintenant. Et puis, ouais, c'est une question pas évidente. Toi, paternité, Jeff, de quoi? Mon gars est encore jeune, fait que c'est dur. Ben, c'est pas dur, mais... Ouais, il a rien fait encore à pas vomir dans tes doigts. Là. Au moins, il vomit pas dans les prises électriques, là. Je suis déjà ça, là, mais... Juste le voir grandir, je pense que c'est une fierté. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'accomplit de sa part, je suis comme « good job ». Je le regarde grandir, puis je suis fier, that's it, là. Donc, juste ça, là. Ouais, c'est ça, hein. Ben, tu sais, moi, mettons, mon plus vieux, il a 16 ans. Quand il s'est rendu au level 4 de Dig Dug 2, j'étais assez fier. Exact. Puis mon plus jeune, il y a 11. Fait que tu sais, mon plus vieux, il est rendu assez vieux pour faire des affaires dont je suis moins fier. Tu ouais, sais, ouais. Tu sais, comme genre, pas se lever le matin ou avoir des mauvaises notes ou tout ça. Mais tu sais, les notes, c'est tel que tel aussi. C'est un système... Rentrer tard, cool, se faire regarder par la police chez vous. Ben, ça, pas encore, là, tu sais, mais... Ça viendra bien assez vite. Mais je suis fier, j'ai... Il y a pas de, tu sais, il y a des événements que tu es fier de, mettons, hey, il a gagné des milestones, ouais, d'affaires précis là. Non, mais mettons, il y a eu bravo, il a été le meilleur cette année dans sa classe. Ou mettons mon plus jeune, il a sauté une année, tu sais, je suis très je suis très fier de ça. Il fait de la danse, donc l'année passée, il a été comme l'élève le plus hot en danse, tu sais, je suis fier de ça. Mon plus vieux présentement au hockey, je trouve que c'est vraiment le joueur le plus... C'est le meilleur joueur de son équipe, à mon avis. Mm-hmm. Qui n'est pas un hostie d'assaut qui garde tout le temps la puck pour lui. Ouais, ouais. Il a un sens du jeu puis il fait des affaires, tu sais. Fait que je suis très fier de ça. Par contre, là, c'est ça, c'est un ado. Fait qu'il est sloppy sur le ménage, il est sloppy sur plein d'affaires. C'est un ado, ouais. Il est comme blasé, puis ça, j'ai de la misère avec ça. Mais ça va venir plus tard, tu sais. Mais moi, ça me rend juste heureux de les voir. T'sais. C'est parce que c'est nous autres. Ils sont nous, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que quand tu les vois comme réussir ou prendre les affaires que tu leur dis, tu sais, puis ils partent avec ça, puis ils t'écoutent, ou. C'est bien spécial, tu sais. Puis. Moi, quand mon père voulait être un artiste, voulait aller aux Beaux-Arts, tu sais, okay, il était un gars de Thetford, si mon père. Puis son père à lui, il a dit, il n'y a aucunement de question que tu ailles aux Beaux-Arts à Montréal, là. Il est comme non. Fait que mon père a tout le temps repoussé au sol par son père à lui. Il faisait des mauvais coups, puis tout, puis à un moment donné, il est rentré dans la police, puis. La police est tassée, puis il est rentré en l'armée. Non, puis il est resté policier, tu sais, puis il a eu une très bonne vie. Il va dans l'armée pour te casser, là, un peu. Non, mais c'est ça, il a fait ça, puis il a eu une belle carrière et tout ça, tu sais, mais il voulait être un artiste. Puis moi, j'ai été exactement ce que mon père aurait voulu qu'il fasse, mais moi, j'aurais aimé être comédien, humoriste, puis être tout ça. Puis là, mon plus jeune, il fait ça, tu sais, il fait de l'art dramatique, il fait de l'impro. Fait que c'est comme ça saute une génération. Ouais, c'est drôle, fascinant, tu sais. Tu sais que mon gars va se faire payer pour faire des podcasts? Ben, Chris, pour vrai, peut-être, là. Il y aura bonne place pour apprendre, en tout cas, chez nous. Exactement. Ben, qui sait, tu sais. Fait que c'est ça. Mais non, je sais pas qu'est-ce que... Ben ouais. De quoi on est le plus fier. Juste le mot « regarder ce qu'il fait », je suis comme « bah oui, ben, bravo ». Mais attends, lui, il est nouveau papa, tu sais. Il y a un bébé. Là. C'est la paternité. Là. C'est pas encore les lunchs, non, c'est pas la routine encore. C'est la paternité. Quand t'avais un bébé, t'es fier de. Ben, t'es fier juste t'es fier d'avoir un bébé. Hein, tu lui donnes le biberon, tu le fais dormir, puis t'es fier. Là. Tu le regardes. Juste ça, c'est de la fierté. Là. Ah oh, oui, puis on peut juste être fier d'avoir des enfants tout court. Cool, ouais, ouais, tout à fait. Parce là, que ouais. C'est pas. C'est un projet. Ouais. C'est un hostie de projet. Ça change une vie. Pour le meilleur et pour le pire, mm-hmm. Mais si vous êtes des personnes balancées, pour le meilleur, oui. Bien sûr, et puis tout va bien aller. Normalement, ça va. Mais ouais, juste d'avoir des enfants, c'est déjà un grand accomplissement. Simon Lehaye, combien de gens dans votre entourage se sont procurés ou ont reçu un MetaQuest pendant le temps des fêtes? Zéro. Zéro, ouais, j'ai pas de gens dans mon entourage qui sont là-dedans. Moi, j'ai le mien, le 3 déjà, mais sinon, non, pas personne dans mon entourage qui a eu ça ou qui a acheté ça. Ouais. Mon frère, non, il y a le 2, fait que non, c'est tout. That's it. David Lescourt. Question pour GF. Yes. Mais sachant que j'ai un barbecue... Ah bah. Question plus pour GF, mais sachant que j'ai un barbecue Napoléon et un kettle de Weber, quel devrait être l'achat logique suivant? Un fumoir ou une plancha? Il y a un Napoléon, puis... OK, c'est parce que là, tes deux barbecues que t'as, tu peux faire les deux autres que tu veux acheter avec, dépendamment de ce que t'as besoin, tu sais. Ton kettle, qui est le barbecue rond, le noir au charbon de Weber, ouais. Tu peux t'acheter une extension qui devient un fumoir au charbon. C'est de la job à gérer, mais ça se fait. Puis tu peux mettre une plaque de plancha sur ton barbecue au gaz, si tu veux aussi. Sur son Napoléon. Ça pourrait être ça aussi. Mm. Moi, j'irais personnellement sur la plancha. Ben, c'est mes goûts personnels. Là. Plus utile, je trouve, faire de la plancha que du fumoir. Ah ouais? Moins de... Ben, c'est une grosse poêle, dans le fond, tu sais. Ouais. C'est quoi les occasions que tu as de faire ça tout le temps? Là? Ben, j'ai comme l'impression que. Ça dépend si tu fais beaucoup de cuisine dehors aussi ou si c'est juste pour des projets. C'est pour des projets, vas-y, que le fumoir peut-être, là, mais si c'est pour cuisiner dehors, c'est sûr que la plancha, c'est un gros plus. Là. Mon feeling est que tu peux plus facilement utiliser ton kettle en tant que fumoir Que le barbecue. Que tu vas avoir plus de satisfaction à faire ça que de mettre une plaque de tôle sur ton barbecue. Aussi, là. C'est ça. T'es mieux avec une belle grosse plancha dehors, comme tu dis. Que... Parce qu'est-ce qu'il demande comme fumoir, lui? C'est juste fumoir général ou c'est... Général. Parce que sinon, tu vas aller dans quoi en fumoir? Tu vas dans un fumoir au charbon que tu peux faire sur ton kettle. Fait que t'as un peu la même affaire. À moins que tu vas dans un offset avec un fumoir au bois comme chez nous. C'est une autre game, là. Fait que ça dépend de tes goûts, là. Mais je te dirais plancha, moi, selon moi. J'aime tellement cet outil de travail, là. Puis si s'achète un fumoir, est-ce qu'il a encore besoin de son kettle? Ben, c'est un barbecue. C'est un barbecue au charbon. À la base, ouais, c'est ça. Fait que c'est comme au gaz. Ouais. C'est comme cuisiner sur du feu. C'est au gaz, un kettle? Non, c'est ça. C'est ça la différence avec le barbecue normal. L'autre va avoir le feu au gaz. Fait que le goût est différent un peu. Là, fait que ça dépend ce que tu veux faire, ça de la place que tu as, ton budget. Ben, je pense qu'on a bien répondu quand même. Rendu là, c'est à lui de jauger ses désirs. Et puis, tout ça est bien. Tout ça est bien, mais il faut que tu jauges aussi. Achète-toi pas des bebelles. Si tu t'achètes un fumoir, utilise-le. Moi, j'avais commencé avec un fumoir charbon très cheap à genre 50$ chez Canac là, pour voir ce que j'aimais. J'ai réussi à faire du stock. Mais j'ai fait okay, ce que j'aime, c'est ça. Ce que j'aime pas, c'est telle affaire. Fait que j'ai fini par me gager. Puis ce que j'ai chez nous en ce moment. C'est tout ce que j'aime faire, fait que c'est parfait. Là. Bon, voilà. Voilà. Écoute, il n'y a rien comme l'essayer. Au pire, tu revends ça sur KGG. KGG. Mais ouais, sinon, le kettle, là, si tu vas chez Barbecue Québec, ils ont un all-in-one, ça s'appelle. C'est une affaire rond, là, comme en métal, là, que tu mets par-dessus. Puis ça devient. Ça fait un fumoir, ça te rajoute 2 grilles, ça peut faire un four à pizza aussi. Ah ouais. Fait que c'est un excellent. C'est cool ça, les pizzas sur le barbecue aussi. Ouais, c'est très le fun. Là. Mais là, mon next step, moi, c'est le petit four à pizza, le honey, là, le petit tu rentres dedans. Là, Ouais. Petit, ça existe. Ah, dans la maison. Non, mais dehors, là. Je vais le mettre sur ma petite table dehors. Là. OK, mais. C'est juste un petit, le petit accessoire tout seul, là. Ouais, c'est ça, là. Au gaz, là. Mais que tu ranges, là. Que je range après. Ouais, là. C'est ça. Ça s'en vient. Ce sera pour le prochain Garden Party. OK. Party de pizza. On s'en promet, c'est le prochain Garden Party, là. Le bon ami, l'excellent Kevin Boily. Les ports de jeux classiques sur consoles modernes, tels que Felix de Cat et Rocket Knight Adventure, ça vend-tu pas pire? Je me serais attendu que non, et j'ai vu un post de Restock l'autre jour chez Retro Montréal, ça a piqué ma curiosité. Eh bien, en effet, mon cher Kev, sache que ça vend très bien. Pour les non-initiés, Limited Run a lancé Felix de Cat, une compilation du jeu NES et du jeu Game Boy, qui, à eux deux, valent quand même cher. Je me rappelle plus, là. Pour vrai, ça fait super longtemps. On va dire que Félix, ça vaut 80 sur NES, puis au Game Boy, ça vaut 40$. Là. Ben, eux autres, ils ont fait une compile avec les deux jeux sans même cassette pour Switch. Et puis, c'est une bonne façon d'avoir les deux. Et puis, Rocket Knight, c'est la même chose. Il y a Rocket Knight au Genesis, il y a Sparkster au Genesis, puis il y a Sparkster au Super Nintendo aussi. Il n'y a pas, par contre, l'espèce de Rocket Knight qui avait fait remake machin moderne HD sur PlayStation 3 en digital seulement, et j'étais très déçu de ça. Mais c'est des excellentes compiles pour bénéficier de ces très bons jeux rétro. Ben oui. Surtout Rocket Knight, en fait. Rocket and Get. Exact. Parce que... T'as plus de jeux dans Rocket Knight, mais tu sais, Félix de Cat, je veux dire, c'est facile, là, Félix de Cat. C'est des platformers faciles. Puis d'ailleurs, Kev, il ne l'a pas nommé, mais c'est sorti par après, puis je l'ai vu. Snow Brothers va recevoir le même traitement de la part de Limited Run, où est-ce qu'il y aura la version NES et la version Game Boy sur la même cartouche. Donc, pour les gens qui veulent pas payer la totale pour avoir les originaux, je trouve que c'est des très, très belles façons d'avoir ça et de jouer à ces jeux-là. Et puis, oui, ils se sont vendus très rapidement. On a restock, se sont revendus. Même les éditions classiques qui ont la forme. Le Félix de Cat, c'était beau. C'était comme la boîte de NES Sunsoft avec le jaune dessus et tout. Félix de 4 sur Game Boy, il est 115$ sur Price Chart, selon 114. Jim Gendron dans le chat. Sûrement trompé. Donc, NES, ça va être encore plus cher, sûrement. Alors, oui, ça vaut la peine pour des jeux Limited Run à 50$. Là, t'en as pour ton argent. Donc, Kev, oui, ça vend super bien. Puis moi, je suis tout le temps très heureux quand ces affaires-là existent. Et voilà. Alors, Snow Brothers va venir bientôt aussi. Puis moi, j'achète rien de ça parce que j'ai tous les originaux déjà. Fait que ça me va, tu sais, mais... Pour ceux qui les ont pas. Domaine 1-2-3 qui nous demande, allez-vous vendre des jeux de Collector Vision? Nous, ici, chez Retro Montréal, on a une façon de faire avec les gens qui font des choses ici au Québec. Que ça soit Retro Modding, qui publie des jeux avec leur compagnie Incubate. Collector Vision, où on a quelqu'un aussi qui a développé un jeu Dreamcast, un homebrew Dreamcast. Ah, ouais, wow. Et puis, il a communiqué avec nous. Tous ces gens-là qui font ça, ils veulent que nous, on leur achète la marchandise puis qu'on la vende. Ouais, ouais. Mais cette marchandise-là est très nichée. Oui, effectivement. Et difficile à vendre quand même d'une certaine façon. Donc, nous, on doit limiter notre risque là-dessus. Et puis, moi, ce que je propose à tous ces gens-là, c'est, on n'a aucun problème, on va les tenir vos jeux. Amène-moi de l'inventaire, je le mets sur notre site web, je le mets dans mes publications de fin de journée, je les publie sur les médias sociaux. Hey, on a des jeux de Collector Vision ici, regardez ça, on a tous ces jeux-là. Mais moi, je paye rien. Puis on le vend, puis je me garde une cote plus petite. Ouais, une petite cote. D'entreposage, de publication. De gestion, ça me coûte quelque chose. Moi, j'ai du staff qui vont mettre ça en inventaire, j'ai du staff qui vont le vendre. Il faut fabriquer une fiche, il faut le mettre sur le site web, il faut faire des publications. Mm-hmm. Tout ça a un coût. Là. Mais je me garde un certain pourcentage là, léger. Et puis voilà. Moi, je veux pas vous acheter genre 10 copies de vos 10 jeux homebrew que vous avez développés. Papa, je veux pas vous encourager, là, parce que je sais que ça va me prendre un an à vendre tout ça. Puis moi, j'ai pas de capital à faire dormir sur mes tablettes tant que ça. Fait que moi, je veux vous mettre de l'avant puis vous propulser le plus possible. Mais vous en avez combien de ces jeux-là dans votre inventaire? Tu sais, genre 200 de chaque? C'est quoi m'en donner à moi pour que je les push, tu sais? Mais ils comprennent pas ça, on dirait. Moi, c'est incroyable, ça. Ils vont moi, Collector Vision, c'est comme tout ton inventaire. T'en as combien, là? Mettons, t'as 20 jeux en 200 copies chacun. Donne-moi 10 copies de chaque. Je te fais un display dans le magasin ici, Collector Vision. Proud Québécois, man. Atari, Coleco. Je push ça sur les médias sociaux. On va en vendre. Tu vas te faire connaître. Puis tu vas avoir moins que si tu les vendais toi-même, mais il va en avoir en circulation, puis on va faire du bruit avec ça. Je vais en parler ici. Ouais. Moi, je vais tout mettre ça de l'avant, mais ils m'entendent pas. C'est parce qu'ils veulent l'argent tout de suite plus que de prêter les jeux pour les vendre peut-être à un moment donné à moins cher. Je peux comprendre. Je comprends qu'ils ont besoin de l'argent. C'est ça, je le comprends parce qu'ils le frontent avec leur poche. Mais en même temps, t'es dans un marché tellement niché, puis t'as une vitrine semi-gratuite ou qui va te coûter un très bas prix exact, de management avec... Mettons, je me garde un 20%. Là. C'est rien, là, tu sais, c'est rien. Mettons ton jeu, le jeu de Collector Vision, mettons, là, qu'ils font pour l'Atari, tu sais, qu'ils vont vendre normalement 60$. Moi, je me garde 15$ là-dessus, là, whatever. Tu sais, fine. Puis, je ne demande pas des avoirs au lunch, là, tu sais. Ces affaires-là, ils essayent de les vendre, eux, depuis un an et demi, tu sais. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, là. Alors, je connais Jean-François Dupuis, Domaine, t'inquiète, je connais très bien ce gars-là, très cool en passant. Je suis pas en train de chier sur personne qui développe des jeux, en vrai. Mais moi, je parle de business, puis je trouve qu'ils comprennent pas l'avantage que je peux leur donner, tu sais. Fait que voilà. Ben voyons, la réputation et la visibilité que vous avez, il me semble que c'est la meilleure chose. Ben c'est ce que je me dis. Donc moi de l'inventaire ici, me le vendre, esti, puis je vais essayer de te mettre ça à map le plus possible. Puis ça va me faire plaisir de pusher du stock québécois. J'ai le Québec très à cœur. Jean-Michel Racine, gars de la bière. Le gars de la bière. Considérant ton amour inconditionnel pour la Switch, vas-tu early adopter la nouvelle console Nintendo ou tu vas attendre quelques mois? Ben, on a répondu tantôt. Moi, je la veux immédiatement si j'y ai accès immédiatement. Je t'annule. Ils ont-tu dit une date de sortie? Ils ont rien dit. Ils ont rien dit, OK. Mais on peut prédire. Est-ce que tu c'est quoi ta prédiction? C'est dur. Allez, c'est dur. 30 septembre 2025. Ouais, hein, tu prévois le back to school. Ouais, mettons. Il me semble que la première Switch avait été ça aussi, hein. Ça avait pas été comme au printemps avec Zelda, puis le... Ah! À la fin de l'année, il avait sorti Mario Odyssey, puis là, tout le monde qui en voulait en avait une, fait que là, ça marchait de même un peu. Ah ouais, ouais, ça se peut, ça. Ben écoute, je sais pas si Clone dans le chat, si la Switch 2, c'est écran OLED, j'ose penser que oui. On dit 3 mars 2017. En mars Switch, 2017. Ouais. Donc, en mars qui est sorti la Switch. Donc, par rapport à ce que je dis. Désolé. Moi, je pensais Noël 2025, mais je commence à me dire que ça va peut-être être en septembre, finalement. J'ai tout l'impression que ça va sortir un peu avant Noël. D'un coup, qu'il y a des fucks d'inventaire ou quelque chose de même, comme ça, le monde peut en acheter. Ouais. Puis, rendu à Noël, il y en a eu assez pour que le monde l'achète. Puis, j'ai tellement hâte de voir les launch titles aussi. Moi aussi, c'est ça qui m'intéresse. Ça va dépendre s'il y a un gros launch title ou c'est comme... Switch 2 et un launch title plus tard, tu sais, ouais. qui vient te faire racheter. On sait pas. Ah non, Fingercut, c'est pas OLED. Juin, supposément. Fingercut, ouais. Il y a réponse à tout, esti. Ouais, Jim nous envoie des Doritos. Mais, OK, juin, il me semble c'est rapide quand même, je sais pas. En septembre, dans le chat. Il y a bien des suggestions dans le chat en ce moment. Sort avec un bundle Mario. Il me semble que faire des bundles, c'est pas la chose que tu fais en partant. Surtout quand pas avec Zelda et Mario en même temps. Là, ça va. Exact. C'est deux gros. Ah ben jeux. Zelda. Ah non, lui il dit, elle sort en septembre puis à Noël il bundle avec Mario Zelda. Ah, ok, ben. Maybe, ouais. Maybe. Mais je trouve quand même. Un ou l'autre, ok, ouais. Ouais. Ouais, un ou l'autre. Mais je trouve ça rapide quand même. Je pense que t'es capable d'en vendre sans bundler. D'après là. Moi, le prochain gros IP qui va faire ça, qui va sortir sur la Switch, ça va être Mario Kart. Là. Oui. Le nouveau Mario Kart. En effet. Ça va être ça. Puis ça, je suis surpris aussi s'ils font un Mario Kart 9. C'est pas déjà le 9? Le 8 Deluxe qu'on a présentement. Okay. Mais comme je dis, ils peuvent arrêter de nommer les Mario Kart, juste faire un ongoing Mario upgrade Kart de Mario online. Kart continuellement. Oui, online. Smash, même affaire. Là, 99 t'sais. Joueurs. Là. Beaucoup de monde. Battle Royale Mario Kart. Ah ben, c'est ça, là, tu sais. 1er décembre, on dit ben des prédictions. Des prédictions, on est prédictions. Des prédictions. Bon, l'excellent Carl Leduc. Tout l'excellent monde. Qu'est-ce, oui, tout le monde est cool. On vous aime tous. On vous aime tous. Vous nous faites tellement de bien. Carl Leduc, question 1 pour moi. Toi, t'en as une après aussi. Non. Que penses-tu des labels reprint pour des cassettes Atari sans grande valeur? Plus précisément, cassettes Activision courantes avec la colle de marde qui se dégrade avec le temps. Je suis tenté. Car ça ferait plus beau, propre, des beaux labels tout neufs. Je pourrais décoller les originaux et garder dans un cartable. Ça, là, c'est très anal. On est en train de parler de la colle. Mais garder dans un cartable, c'est malade, ça. Mais moi, ce que je fais, Carl, c'est que je recolle les vieux labels avec de la colle en bâton. Ah. Et puis, tu sais, sans jugement, là, chacun ses affaires et son trip. Moi, personnellement, comme collectionneur, je préfère avoir un label original scrap qu'un pas vrai label dans ma collection. Puis au niveau, mettons, du magasin aussi, ça peut être tricky de mettre des faux labels en circulation, entre guillemets, quand les jeux se mettent à se faire revendre puis à se promener et tout ça. T'sais. Fait que, tu sais... C'est comme un char. Ben, un char. Quand c'est scrap, là. Mais tu sais, c'est ça. Moi, personnellement, je préfère avoir un label et même pas de label. T'aimes mieux avoir un char que genre la peinture a décollé un petit peu que d'avoir un char que la peinture décolle, mais avec des calques de flammes sur le côté. Toi. Ouais, mettons, là, tu sais. Mais s'il faut refaire la peinture, mais j'essaierais d'avoir l'original. Mais mon exemple, il est pas bon ça avec les chars, bon. Là. Ça marche pas. Mais. On a essayé. Mais, ouais. Puis, pour vrai, ben, je sais de quoi tu parles, les labels Activision qui spotent, là, c'est plein de spots là, dégueulasses, okay. Puis c'est rare d'en trouver. Tu sais, ils en ont tous, mais c'est difficile d'en trouver des peu spotés, là. Fait que I feel you. Puis, les labels aussi, oui, Parker Brothers aussi qui décolle super facile, ça. Mais moi, je les recolle avec la colle en bâton, puis fine. Puis, des fois, il y a juste des petits bouts qui retroussent aussi, je recolle tout ça. Mais chapeau pour ton de vouloir les garder dans un cartable. Comme waouh, wow, ouais. Ça c'est chic là, tu sais. C'est très. Tu vois sinon, le gars, il a son cartable de les bons. Sinon rideau de douche. Là. Rideau de douche, j'en ai. Comme un cartable. Hey, des cartes de hockey, non, des pochettes de jeux. Des labels décollés de jeux Activision Atari 2600. Hey, c'est un an anglais, j'aime ça. Ça a de la classe en esti. Moi, je respecte ça. Imagine le cartable quand il est rangé, c'est écrit label de jeu genre. Ah ouais, j'aime ça. Tu regardes, t'es comme oui, je veux feuilleter ça. Mais moi, ce que je ferais, c'est que je les recollerais avec la colle en bâton, puis je garderais l'œil ouvert pour des upgrades. C'est ce que je fais, en fait. Mettons, j'ai un label de Super NES qui serait déchirant en deux. Ben, tu sais, je le garde à Aziz, puis à un moment donné, j'en trouve un plus beau, puis je l'achète. Fait que voilà. Question pour toi, JF. Oui. As-tu finalement fait un achat impulsif dans le REM durant la dernière semaine, référence à la console 7800+? Moi, oui, j'en suis bien satisfait. Donc, t'es-tu acheté une 7800+? Non, mais j'étais... À un moment donné, j'étais chaud dans le REM, pour vrai, et je m'en allais acheter la analogue Sony 4, là. Et... Précommander ça, ouais. Et c'était plus disponible. Ah non, pour sold vrai? Sold out. Je suis comme, bon, OK, on va sauver 200-300$. Ouais, mais ça... Si quelqu'un dans nos fans l'a commandé, il la veut plus, je serais peut-être preneur. Ouais, pour vrai, ouais, pour ça... vrai, ça me tente. Ça sera pas de la merde, ça, là. Ça là. Va être ici, après ça, sur notre tablette, mais qu'on la pose, là. Ah, c'est vrai. Mais mon frère, j'en ai parlé, il était comme, achète ça. Je dis, OK, là, si on peut jouer à Wave Race ensemble. Ben, écoute, t'apprécies quand même la 64. On rigole, mais t'aimes quand même la 64, là. Mais ce qui m'a comme fait tilter à la vouloir, c'est la nouvelle manette. La manette que le joystick est pas dans le milieu, quand il y a une manette qui fait du sens, je suis comme, ok. Ouais. Peut-être rejouer des vieux jeux avec une manette qui a de l'allure, ça serait le fun. Fait que oui, j'aimerais ça. Là. Et je veux jouer à pouvoir jouer à genre No Mercy, ces affaires-là. Là. Jeu de lutte. Je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas une manette de forme classique. C'est vrai, hein. Tu sais, il aurait pu en faire une quand. Peut-être ça va venir par après, là, mais. Mais j'apprécie aussi, tu sais, une bonne manette prise en main, là. Parce que si je joue avec genre. Je veux pouvoir jouer à. Ben, je veux pouvoir ne pas jouer à tout ce que je peux jouer, mettons. Là, ah, mais tu vas avoir l'option. C'est ça. Analog Pocket couvre très large, mais là, ça arrête à 64. Là, je voudrais celle-là pour ça, le reste. Exact. Puis après ça, qu'on avait dit, mener la console à disque qui va sûrement venir un jour. Là, ah, puis... ça, là, oui. Wayne Gretzky 3 Hockey en 4K, ben oui. Absolument. Non, cette machine-là, man, ça va être glorieux. Là. Glorieux. Ah, là. J'ai hâte. Marc-André Nadeau. Avez-vous vu le premier show de Raw sur Netflix? Oui, moi j'ai écouté. Puis? Ben, c'était pas très lutte, c'était plus... c'était un gros show pour tout le monde qui regarde la lutte pour la première fois, là. OK. Genre, The Rock était là, tu sais, puis des grosses vedettes. Moins de gros matchs, là. Mais c'était bien. Beaucoup aimé la présentation, beaucoup aimé le visuel, où ce qui s'en va, tout ça, c'est le fun, là. Le deuxième, Raw était meilleur que le premier, je trouvais, en termes de lutte, de qualité, là. Puis là, j'ai plus Netflix parce que j'ai pas de carte de crédit, fait que... Fait que là, faut que je reprenne, mais que ça revienne. Il y a le Rumble en fin de semaine. Oui, exact. Puis ça, c'est sur Netflix, direct là. Ouais. Tu payes pas, tu payes pas. Tu arrives pendant, tu peux repartir du début. Fait que ça, c'est très cool. Insane. Il y a des traductions. Tu vas sûrement l'écouter d'ailleurs. De sous-titres live. Genre, quand le monde parle en espagnol, c'est écrit en anglais en tout direct. Genre, wow. Il n'y a pas aussi du hockey maintenant et du football une fois de temps en temps le lundi. Il y a du hockey sur Amazon Prime. Ah, c'est ça. Ok, c'est pas sur Netflix. Non, ça, mais c'est sur Amazon. Je regardais, c'est bien, mais genre, là, je continue à regarder RDS. Là. Ouais, moi, j'encourage RDS là, quand même. Là. J'ai fait le calcul. Même si ça ne change rien. Cette semaine, je faisais le calcul de genre, mettons, je coupe tout Elix, le câble. Ça me coûte combien de garder juste Internet puis d'avoir genre RDS pour le hockey en streaming puis pour les Blue Jays. Puis je sauvais genre 30$ par mois. Je suis comme, regarde le câble, c'est à ce prix-là. Là. Ouais, ce prix-là, ouais. Là, tu prends le package, ouais. Reste là avec les autres, là, puis l'enregistreur puis les postes extra. Là. Moi, je suis un gros écouteur de Zest. Moi aussi. Zest TV, je suis tout le temps là-dessus. Là. Nous autres, Canal Vie, les rénovations. Vendre ou rénover, nous autres, on est comme... Moi, je suis un gros fan de Coup de Food. Puis, oui, c'est bon, Coup de Food. Cuisine, casse-coute à l'américaine, le gars qui mange comme des petites portions qui n'ont pas de ouais, bon ouais, sens. Ouais, ouais. J'adore ça, écouter ça. Là. Ouais. Je suis un sucker pour ça. Les shows de barbecue. Puis... Ah, totalement. Fait que c'est ça. Mais tu sais, moi, c'est ça. Moi, t'es geek, man. T'aimes-tu les super-héros? Non, moi, je veux rien savoir de tout ça. Moi, j'écoute, genre, L'amour est dans le pré. J'écoute Vendre ou rénover. J'écoute Révolution. Non, pas moi. J'écoute toutes ces fucking affaires. J'écoute pas Big Brother, ça. Par contre, je trouve ça fake. J'haïs ces jeux de télé-réalité. J'ai rien à dire, moi, non plus. J'aime là. Pas ça. Mais moi, j'aime l'humain. J'aime l'humain dans L'amour et dans le prix. Infoman, ça c'est sûr. Toujours. Puis, tu sais, la danse aussi, c'est le monde qui sont vrais là-dedans. Ouais. Moi, j'aime les gens qui sont vrais. Tu sais, je veux rien savoir des astis de jeu. Là. Hey, on vous a droppé dans le bois, puis vous avez rien que des bobettes, puis il faut que tu manges des rats, puis je m'en calisse de ça. Moi, j'écoute bien les affaires de la télé, j'aime bien aussi, parce que je suis un sucker aussi pour ça. Les archives, j'aime bien ça. Là. Ouais. J'ai écouté sur Netflix un petit peu le show de Mr. Beast, là. Il est un genre de Squid Game. Ouais. Mais naf, ce style-là. Ah, j'ai jamais écouté ça. Je sais qu'il est gigantesque, ce gars-là. Ça pas, il y a ben trop de cash. Là, ah genre, non, c'est ça. Ça. Je veux rien savoir de ça. Mais ouais, je me suis tapé Raw et j'ai écouté aussi Squid Game. Ah. Domingue dans le chat. Je me reconnais dans Dom, même prénom. Hein? Toi aussi, t'écoutes L'amour est dans le pré avec ton épouse. Donc, ou ton époux. En fait. J'écoute tellement pas de télé aussi, s'il y a ça. Là, c'est ben, moi, rare, j'écoute là. Ces affaires-là. Mais moi, tu sais, mon plus jeune, j'y ai remis Télétoon, il voulait écouter les Teen Titans. Là, ouais, mais là, moi, j'ai la chaîne Disney en français. Là, fait que là, mon gars, il écoute Spidey et ses amis extraordinaires le matin. Là, puis il a commencé à comprendre qu'il y a des pubs, des affaires. Là, il a vu Popstruction, des chiens qui font de la construction. Je veux écouter ça. Popstruction. Ça commence le 26 janvier, un peu. Là, on va attendre. Puis là, il a compris qu'il faut attendre, en tout cas. C'est bien, là, mais. Les chefs vont recommencer aussi. Là, ça, j'aime un peu moins ça. J'écoute mais pas ça, les chefs. Non, mais, moi, je prends la manette. T'aimes la cuisine, peut-être t'aimerais ça. Oui, mais puis j'aime bien Élise Marquis aussi en général. Là, ils l'ont tellement bien. Ils ont tellement été rough avec elle au bye-bye, pauvre elle. Mon linge est encore lettre. Mon l'affaire du linge lettre. T'as-tu aimé le bye-bye? Moi, ben, correct. Là, moi, je suis comme à chaque année. Je serais peut-être temps que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, je pense, pour les auteurs. Comme à chaque année, je pense ça aussi, là, mais... Ben moi, pour vrai, depuis RBO, j'ai jamais été mind blown. Ah non, ça, ouais, c'est parce puis, que c'était tellement incroyable. C'était tellement bon, mais pour... Mais tu sais, je suis tout le temps, hey, cool. Puis on le réécoute, là, parce qu'on est tout le temps chez ma soeur. Ouais, moi aussi. Fait que on le réécoute le lendemain, propre. Puis tu sais, on dit bonne année, puis là, on se serre dans nos bras. Puis tu manques à la fin. On manque tout le temps à la fin, puis les bloopers, fait qu'on le réécoute ça après. Puis Infoman, on l'écoute jamais chez ma soeur, fait qu'on l'écoute le lendemain religieusement. C'est bon, Infoman, là. Mais Bye Bye, c'est dur parce qu'il faut que tu reaches le public le plus large possible. Faut que tu prennes des affaires. C'est beaucoup de télé, là, souvent, qu'ils vont parodier. Ouais. Que faut que tu prennes aussi le monde en vue. Celui au théâtre que je suis allé voir était beaucoup mieux, je trouvais. Comme à chaque année, c'est tout le temps plus niché. Là, c'est... Ouais. Scram est le meilleur. Est meilleur que le Bye Bye. Ah, Infoman est souvent meilleur que le Bye Bye aussi. Là. Ouais, je préfère nettement Infoman. Élise Marquis est tellement perdue. C'est vrai, tellement perdue. Elle est stoner, ça, c'est sûr. Mais, ouais, elle sortait avec Marc Derry avant. J'ai vu, oui, puis elle a un enfant. Ah, puis ouais. Ils ont fait un show de télé où est-ce qu'elle est avec sa fille qui part en appart. Puis tout le, ça, c'était cucu. Cette semaine, j'ai pogné sur Facebook une vidéo de elle puis Joël Legendre qui check des vidéos d'enfants en forme. C'est sûr qu'ils étaient finirés d'eux autres là-dessus. Là. Ouais, c'est... L'époque Télépirate, là. Mais moi, je la trouvais hot, ouais, man, la Télépirate, Élise Marquis, là. Hey, là, on s'évade, là. On a beaucoup de choses à répondre encore. On est comme des années 90 avec Élise Marquis, nous autres, là. On est parti, on est parti. On t'invite ici, Élise. Bon, on s'en va dans les choses sérieuses. Ouais, Avec Patrick Doyon. Est-ce que les comptes X de Arcade MTL et Retro MTL vont migrer sur Blue Sky? Non. Le compte X de Retro Nouveau aussi. Oh, ouais, ouais. Et de la soirée du podcast. Non, moi, c'est là que je décroche. Ben, moi, je sais même pas ce que c'est, puis je m'en calisse. C'est un nouveau déjà genre que... de Twitter. Là, tout le monde t'en crisse parce que Facebook, puis Twitter, puis Elon Musk, ils sont salut nazi, puis tout ça. Ouais. Mais moi, j'ai pas besoin d'un autre média social dans ma vie. Moi non plus, c'est juste que je te décroche. Je suis brûlé, tanné. Tu sais, puis il y a des auditeurs qui sont dans... tu sais, j'ai un Discord, Papa Cassette, et on il parle mort, du, là. Hub, du Hub, tu sais. Mais man, pour vrai, j'ai fermé Discord il y a 3 mois, puis je pense pas y retourner, là, tu sais. Fait que vous pouvez vous désabonner de Patreon. Mais restez sur le channel chez Papa Cassette, dans le Hub. Moi, je parle avec vous autres, là. Ouais, oui, dans le Hub. Moi, je suis là, mais je suis pas là très actif, là. De temps en temps, je me pointe, mais dans la titre, là... Mais moi, j'ai plus le temps puis plus le goût de moi, faire moi ça. J'ai une overdose pour vrai là, de médias sociaux, puis si j'avais pas des business à gérer, je déconnecterais solide. C'est un peu la seule raison pourquoi j'ai encore X puis tout ça, c'est pour poster nos trucs là-dessus là, ouais puis, c'est là, ça. Je me questionne encore parce que soirée ce podcast, mettons, je fais plus ça pour les nouveaux fans. Il y en a pas de nouveaux fans, on écoute notre fanbase puis on s'en calisse, on est genre là pour nous autres là. C'est un peu ça là. Là, à cette heure, il faudrait se battre contre tous les nouveaux podcasts. Il y en a des milliers à chaque semaine qui sortent. Là. Man, tellement. Là. Non, c'est ça, on peut pas. Tout commencer par Pizza Salvatore puis Poulet Rouge, assis. Non, c'est des ça. Des jeunes tout croches avec des micros à 1000$ dans leurs mains. Tout... Ah ouais, tous des jeunes BS tout croches, assis. Ah non, moi, je vois ça, man. Pis, ouais. Mais, tu sais, nous autres, on a tout fait ça bien avant que ces gens-là étaient aux couches quand on faisait ça, là, tu sais. Mais non, je pense pas aller sur Blue Sky, à moins que ce soit juste pour poster mes trucs. Puis même encore là, ça me tente pas, là. C'est trop d'affaires, là. Ouais. Fingercut qui a eu cette réflexion en fin de semaine, passé tout fermé. Parce que là, en tout cas, on a des groupes sur Facebook, là, de plus ça parlait d'aller sur Discord à la place pour nos groupes du web, blablabla, puis là... T'as du monde qui veulent boycotter Twitter, boycotter Amazon, boycotter Facebook. Si vous voulez boycotter Facebook, boycotter Meta, tout le monde avec des casques VR aussi. Ouais, si non. Vous voulez être conséquent avec vous-même, là. C'est... Bon, moi, j'ai pas envie de boycotter rien. Ça chialait à cause que Amazon se retire du Québec pour la livraison, là. Je sais pas trop, là. C'est... Ben, c'est que. À cause qu'il y a eu le syndicat qui voulait rentrer. Exact. Là, fait il y a un entrepôt Amazon qui a voulu se syndiquer, puis là Amazon ils ont dit ah ouais fuck you, on ferme tout au Québec puis on décalisse. Ouais. Fait que ce qui est une réaction normale de leur part. Ils sont pas revenus sur la décision après ça. Je sais pas. Ça se pourrait, j'ai pas resuivi. Comme des emplois, c'est de la merde, mais genre même sur les boycotteries, qu'est-ce que ça change rien pour Amazon. Ben ça changera rien, tu sais, mais moi c'est parce que moi je suis quand même très anti-syndical. Tu sais, là, tout le monde a son opinion là-dessus. Et on va pas partir là-dessus pendant le débat. On a déjà parlé du syndicat, mais tout le monde a son opinion sur ce qui s'est passé avec Amazon. Ouais, et ouais. Puis, je pense que tout le monde, on devrait voir comment ça se passait dans ces entrepôts-là. Et moi, je vous garantis que c'est pas le tiers-monde. Non, c'est clair. C'est Chris, là. C'est 1700 emplois, le chiffre. Mais après ça, je pense que c'était moins. Mais quand même, ces gens-là, ils travaillaient, là. Ben ouais. Puis, tu sais, OK, je veux dire, il y a des gens que c'est ça leur job, tu sais, puis c'est fine, là, chacun son affaire, mais ça vaut pas plus que ça, tu sais. Puis, je pense pas que c'était des... Il y avait pas des fouettes, sti, comme quand les Anglais nous dominaient à l'époque industrielle, sti, puis que, genre, tu mourais, puis t'avais aucun recours jamais sur rien. On a un très gros filet social au Québec, là. Les gens qui travaillaient chez Amazon, c'est les mêmes gens qui travailleraient au McDo, mettons, là, t'sais. Ouais. McDo sont pas syndiqués, là. Puis, that's it, là, c'est des jobs équivalentes-ish, là, tu sais. C'est des jobs d'ouvriers, là. Puis, je suis pas en train de rabaisser ça. Je veux juste dire que ces jobs-là ont pas une valeur qui mérite d'être syndiqués, tu sais. Parce que c'est sûrement pas parce des qu'ils jobs... Parce qu'ils ont pas à être protégés, parce qu'ils sont pas dans les mauvaises conditions. Puis, ben, normalement, c'est devrait... Exact. C'est devrait être ça le but d'un syndicat. Puis, ce qui est plate là-dedans, c'est que souvent, ce qui ressort ou ce qui est la finalité du syndicat, c'est qu'ils vont protéger les trous de cul. Oui. C'est le monde qui abuse souvent qui est la plus grosse partie d'un syndicat, là, malheureusement. Là. Exact. Et non seulement ça, les syndicats, c'est une business, là. Aussi, ils ont besoin de faire de l'argent, eux autres, là. Ouais. Fait qu'ils veulent rentrer dans tout. Ils veulent rentrer dans les jeux vidéo en disant « Vous faites du crunch time, vous méritez mieux que ça. » Ils veulent rentrer chez Amazon. Ils veulent rentrer la plus de place possible pour faire de l'argent. Faire de l'argent, c'est sûr. C'est une business, ça, là. C'est la guerre, c'est ça. Fait que, oui, là, ils vont défendre les gens... Mais peut-être que les gens n'ont pas besoin d'être défendus tant que ça, là. Fait qu'eux autres, ils ont besoin de faire de la pièce aussi. Fait que pensez à ça, là, tu sais. Certainement qu'il y a des places que les syndicats sont utiles, mais je pense de moins en moins, ouais, ouais. Tu sais. Comme tu dis, ça récompense ceux qui sont faibles, tu sais. Ben ça, c'est... On sait ce que vous voulez aider, la santé et sécurité. Ça dépend, c'était quoi? La santé et sécurité, tu as des normes, là. T'as la CNESST, là. Ici, chez Retro Montréal, on est 15... Ben, la CNESST, tout le monde est en sécurité, on a ce qu'il faut. T'sais. Moi, je suis je vais être très empathique avec le monde qui a perdu leur emploi, c'est plate. Je vais pas bugger Amazon pour autant, là. Moi, je pense que c'est la faute du syndicat, c'est pas la faute d'Amazon. Puis honnêtement, il y aurait mille autres raisons de boycotter Amazon que ça. T'sais, ben, oui, il fait pas depuis des années, fait que rendu là, tu sais. Exact. C'est comme moi, je m'informe plus de rien là, non plus. Là, ça, c'est une autre affaire. Là, mais... Ben là aussi, Trump. Et mes parents, ils sont comme Trump. Êtes-vous nerveux? Moi, je suis comme, j'écoute rien, je m'en calais, je peux rien faire. Fait que je ne suis plus les nouvelles. M'en crisse. Ouais. Ouais, mais moi, je suis à quand moitié, même. Mais c'est des business, toi, puis ça peut être plus impactant, mettons. Mais moi, je suis comme. Ouais. Mais bon. Ok, là, j'ai pas besoin de plus de négativité dans ma vie. Là. Ouais, j'essaie d'être seul, moi, à être négatif. Là, que... Avec tes tanks à eau chaude pétées. Puis... Ah, puis ça, il fait que j'aille Nick puis Dave de la série du podcast qui la sorte. Là. Ouais. Les gars, il faut que vous m'aidiez. Le même matin, t'es plus là. Il y a ce bord du chemin, ben, est parti. Le ouais, gars, le monde les est ramassé. Les ferrailleurs puis les gars de tuyaux, probablement. Ah, ouais, ouais, ramassé, ouais. Il ramasse en esti. Bon, on va aller dans le plus léger avec Nick Lachapelle, le gars du baseball. Ouais, le gars de la balle molle. Le gars de la balle molle. Quels sont vos top jeux modernes sortis sur ces gars? Il arrête pas avec ses stop. On dit d'arrêter de faire ça. Quels sont vos top jeux modernes sortis sur Sega Genesis après la fin de vie de la console? Je peux pas répondre à ça. La Genesis. Après la après... fin. Après. C'est précis en crise, ça. Là. Ouais, c'est... Ben, c'est quoi le jeu, là, le beat'em up de Fred? Là? Yum. Yum. Oui, dans le chat, là, fucking jeu, là, que ça a pris des années avant que ça sorte, puis ça a finalement sorti. C'est un beat'em up. Puis, c'est un mot qui finit par hum, là. UM, là. Et puis, Fred, il l'avait critiqué, puis ce jeu-là, il vaut une fortune, là, maintenant, là. Fait que, je dirais ce jeu-là. Sinon, cher Nick, je suis pas au courant. Attends, Sty, là... Je vais checker, là. Je sais de quoi tu parles, mais j'ai pas le nom. Sty. Ça nous reviendra. Il y a Galgator qui dit qu'il a fait... Pendant ce temps-là, on va mettre le X sur X. Depuis un bon moment, ça ne manque pas. En contrepartie, je me suis abonné à nos médias traditionnels pour de la qualité d'information. Ben, bonne affaire à faire, là. Mais effectivement, X, quand que Musk a acheté Twitter puis que TweetDeck est tombé, moi, ça a arrêté du jour au lendemain Twitter. C'est comme, ceci est terminé. Il y a plus de façon de faire ça correctement. Ouais. Fait que c'est de la merde, là. Ah, c'est Paprium. Paprium, hein, je pensais pas que c'était sur le game. Okay. Ouais, ouais, c'est quand j'ai le plus gros jeu de Genesis. Donc, Paprium, voilà. Paprium. Paprium. Mais. Ouais, ça, Nick. Merci, Nick. Hey, Dominique Ostigui, à quand un show avec Bruno? On le sait pas. C'est dans l'air. Bruno fait rien de jeu en ce moment. Fait que, il va revenir, il va nous faire signe, c'est qu'il vient. Exact. On verra bien. Et puis, par contre, un des prochains shows, ça sera avec Michael de la boutique de jeux vidéo Game Over sur la Rive-Sud. Donc, moi, je suis allé à son show. Donc, je vais l'inviter ici aussi. Ça sera peut-être même au prochain show, on verra. Un spécial Michael, avec Michael Larouche qui joue du guitare dans les coins. Juste des Michael. Donc, ça, on va le faire. Jim Gendron, qui est dans le chat. Vos micros brasseries préférées. Il me semble qu'il l'a déjà demandé, celle-là. Hein? Trop brasserie préférée. Ça dépend, comme bière ou pour aller... Mais Sorem à Montréal, qui est un must. Brasserie du Bas-Canada sur à Gatineau. Et bien sûr, maintenant, Refine Fool dans l'Outaouais. Dans les classiques là, qu'il y a partout, Dieu du ciel est un must. Oui, moi, tout à fait. Même s'ils ont été rachetés par Molson, j'aime quand même encore la Trou du Diable. Je trouve ça... T'sais, ça, c'est dans le de base, là, au-dessus de Archibald. Là. D'autres, il y en a trop, là. Regarde les tablettes, man, on voit plus clair. Sinon, place où aller, le barrage à Saint-Hubert, là, mon petit spot là, privé. Là. Gaspard aussi, Gaspard. Sur la Rive-Sud, ça, c'est un must. Donc, Junior Charlebois qui dit « Cool pour Michael, il aime ça quand on parle business. » Le monde, il aime bien ça quand deux propriétaires de boutiques de jeux vidéo parlent business. Olivier Rousseau, « Que pensez-vous de la cartouche Switch R4? N'est-ce pas une bonne stratégie de tourner ses jeux en ROM pour conserver les jeux sealed? » C'est une question très pointue. Je n'étais pas au courant de cette chose-là. Donc, I guess que cette chose-là sert à dropper des ROM de tous les jeux Switch que tu veux dessus. Comme ça, tu ne déballes pas tes jeux. C'est bon pour la collection. Video Game Memory Card, 3DS, Flash Card. C'est une flash card de Switch, là, finalement. Fait que, c'est-tu légal de faire ça? Je pense pas. En même temps, ça devrait l'être maintenant. Tu sais, présentement, là, quand t'achètes un jeu, tu devrais avoir une version digitale qui vient avec, me semble. Oui. Surtout pour les collectionneurs, ce serait une bonne affaire. Faudrait que ça soit écrit dessus. Faut que t'as des balles, tu sais. J'y ai pensé, puis ouais. Ouais. Mais, écoute, ce que j'en pense, les Everdrive, c'est toujours bon. C'est pratique. Là, j'ai une flashcard sur ma 3DS, puis j'adore ça quand je veux jouer à des trucs. Fait que oui. Est-ce que c'est légal Non. Vous pas pogner, non, jamais. Là. Non, exact. Vous ne ferez jamais pogner pour rendu ça. Rendu là, faites-le. Ouais. C'est ton truc. C'est ça, tu sais. Go. C'est du gossage. Mais ça préserve la collection, ça, c'est vrai. Effectivement. Stéphane Talbot, comment entrevoyez-vous la hausse des tarifs douaniers en tant que collectionneur et pour Dom en tant qu'actionnaire de chez Retro Montréal? Ben, en tant que collectionneur, dans le sens qu'on commande des jeux de l'extérieur, mais pour vrai, j'achète pas grand-chose sur eBay depuis un bon moment, là, tu sais, puis tout ça va coûter extrêmement cher, fait ça va commencer à être dur d'aller aux States aussi, puis d'aller là-bas, là, au prix que ça va coûter maintenant, là. Ben, s'il y a des... Je veux dire, les... En tout cas, on va partir là-dessus, mais tu sais, c'est un petit gros projet. Mais bref, en très grand résumé, les États-Unis ont tout à perdre, tu sais, de faire du trouble au Canada, surtout qu'ils ont tout à gagner avec nous. On est le prochain État américain, oui. Ouais. Puis on représente une minime partie de leur dette, alors c'est rien. Tout ça, c'est un show de boucan, tu sais. On va renommer le golfe du Mexique. Ta gueule. Ça n'a pas de bon sens. T'as vu quand il y a ça dans la foule avec Hillary Clinton qui riait? Là. Ouais. Ils s'en foutent. Ça n'a pas de style d'allure. Fait que tout ça est un show de boucan, tu sais, tout ça. Puis j'y crois zéro. Puis je trouve tellement déplorable de voir des gens qui souhaitent que le Canada cesse d'exister. Ouais. Pour qu'on devienne un État américain. En avez-vous pas honte, sti, de chier sur tout le passé, puis vos ancêtres, puis tout ce qui s'est passé ici? OK, c'est pas excitant, le Canada, là. Je suis d'accord. Mais, Chris, c'est nous, tu sais. Puis, dans le Canada, le Québec, tu sais, c'est nous, ça aussi. Puis, moi, ce que j'apprécie, par contre, de ça, c'est que, soudainement, on réplique, tu sais. Le Canada est comme, what the fuck, sti? Allez chier. Puis, on va peut-être... Tu sais que les États-Unis... Puis ça, j'ai appris ça dernièrement. Ils veulent nous imposer à 25%. Ils veulent mettre une taxe de 25% pour l'import-export. Puis on s'impose 21% entre les frontières canadiennes. Okay. Fait que moi, ce que je crois, c'est qu'il va y avoir un mouvement de inter-canadien d'entraide. Ouais, ouais, ouais. On va peut-être un peu se donner un break là, entre régions. Ce serait bien. Puis on va se permettre plus. Là, c'est certainement que c'est bien. Puis ce qu'il faut... Puis une affaire comme Trump, ça va juste nous montrer qu'il faut, nous, comme acheter local... Ouais, puis se protéger un peu aussi. Protéger, puis que toutes nos fucking affaires sont pas faites en Chine, puis qu'on dépende pas à 90% genre des Américains pour que notre économie fonctionne. En vrai, c'est dur parce que l'économie mondiale est tellement tough en ce moment. Tout le monde est serré au bout. Fait que tout le monde va chercher les trucs les moins chers. Là. Ouais, mais il faut essayer de... Il faut essayer parce que puis, c'est ça. Si tu veux la qualité, va acheter au Québec, Canada, souvent c'est mieux. Là, c'est... Mais tu sais, ici au Québec, on a plein d'affaires. Là, puis au Canada... Le panier bleu? Non, mais... Puis on a de la bouffe. Non, la bouffe, c'est un problème. Hey, les oranges vont être chères. Arrête de manger des oranges, mange des pommes. C'est ça. T'sais. Achète des oranges congelées. Genre l'hiver, puis ça va être correct. T'sais. Mais le panier bleu, c'est-tu le plus gros échec qui aurait pu être le plus gros succès au Québec, ça? Ça en est un, c'est ouais, un échec. Ça aurait pu être le Amazon de produits québécois. Est-ce que c'est ça que ça aurait dû être? Exact. Je veux me faire livrer une affaire spécifique qui se vend juste à Québec. Offre-moi les calices. Voyons, là. Ah non, c'est... L'économie locale, ça devrait être à la grandeur du Québec, à peu près. Mais ils ont manqué de vision. Ils ont fait un Google franco. C'était pourri, leur affaire, là. C'était juste pour faire beau. Oh, il y avait pas vraiment d'intention de travailler derrière ça tant que ça. Là, comme le gars de web, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Mais voyons, asti, là, c'est sérieux. » C'était un bottin mal fait. C'était Alta Vista refait. Là. Exactement, tu sais. Fait que, en tout cas... Les élections fédérales vont être importantes, ouais, effectivement, avec le bon Justin qui s'en va. Oui. Ben, importante, tu sais. On va subir quand on même... On va subir pas lié. Ce qui va se passer. Ouais. Mais en tout cas... Ouais. Ben, ils vont être importantes, tu sais, comme oui et non, là. Mais, tu sais, qu'on lui coupe les doigts électriques. Ben oui. Hey, si on a de quoi ils citent, là, au Canada puis au Québec, de crissement important dans la vie, on a de l'énergie, puis on a de l'eau. Oui, puis on a de l'eau. Oui. Deux affaires dont les gens dépendent pour vivre, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, là, c'est un asset incroyable, là. Puis oui, on a aussi... beaucoup de pétrole albertain, puis là, je parle en tant que Canadien. Ouais. Ben, ça, c'est une ressource aussi. Ouais. Ben, veut pas, ouais. Oui, tu sais. Puis ça serait le fun qu'ils nous haïssent pas au Québec, là, les Albertains. Mais, non, mais c'est petit, moi, nous haïssent en tabarnak, mais bon, ils disent qu'on est des petits pleurnichards. Autant je suis genre souverainiste, autant j'aime mes rocheuses, pour vrai, là, puis mon Canada aussi. Là. Ben, moi aussi. Puis, tu sais, comme. Moi, je suis all-in, là, Canada, là. Y a pas de... Mais j'aimerais quand même que le Québec soit souverain, qu'on soit un pays. Mais ça veut pas dire de plus jamais parler au Canada. C'est comme... Québec souverain dans un Canada uni. oui. Ouais. Non, mais... Genre, là, mais ça... Mais Chris, on va trader avec le Canada. Ça arrivera pas. Le Canada, ça chierait ben trop sa parité et tout ça, là. C'est... Ben, la petite parité, man. Tu peux pas faire ça maintenant. Ben oui, tu peux, mais ça sert, en tout cas. C'est un gros débat politique, là. Non, mais c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment du tout de faire ça. J'aime pas beaucoup que le Parti québécois dise qu'ils vont le faire rapidement parce que je trouve que le timing... En même temps, c'est la ligne 1 du parti, fait que t'as pas le choix d'en parler, tu sais, fait que c'est... Non, mais qui en parle? Ils veulent faire un référendum rapidement. Ils veulent toujours faire ça, tu sais. Ouais, mais pour vrai, là, c'est... C'était le temps quand il disait que c'était pas le temps, ouais. Mais là, c'est pas le temps pour vrai. Ouais, comme on a des enjeux de Trump à régler. Là. On s'est fait voler le référendum, le premier anyway. Là. Ah, ouais. On se fait voler, esti, au Québec. En même temps, être un État américain, cash US. Puis, Ben, c'est ça que les gens disent. Ah, oh, ben là, esti, on va en avoir de l'argent. Mais dans un monde idéal, où que le Québec devient genre la c'est où c'est ce que ça parle français, là. Nouvelle-Orléans. On est la Nouvelle-Orléans du Nord, on reste francophone, on garde la culture pis tout. Ben, ça arrivera pas, là. C'est très hypothétique, mettons, là. Tu coupes tout, genre les... Ouais, soudainement, on fait beaucoup plus d'argent. Ouais, on en ferait-tu plus tant que ça? Non, en tout cas, c'est un hostie d'affaires. Ça n'arrivera jamais. C'est impossible. Un pays qui en annexe un autre, présentement, ça arrivera pas. Non, c'est ça, là. Bon, hey, il faut accélérer. Ronnie, RTC, Terreau. Quels sont, de ta mémoire, les trois jeux les plus chers dans ta boutique en ce moment à vendre? Et comme sous-question, quels sont les jeux que tu as depuis le plus longtemps dans ta boutique qui ne trouvent pas preneur et sont-ils là depuis très longtemps? Ou passé une certaine date, tu les liquides? Pas obligé de répondre, je suis curieux de trucs gestionnaires comme ça. Ben, je vais répondre rapidement. Un jeu qu'on a depuis super longtemps, C'est jeu de 64 de Carmageddon 64. Ah ouais, OK. Parce que le label est détruit, puis la cassette est jaunie. Je pense qu'on a ce jeu-là depuis 3-4 ans. Wow. Puis on le met en promo. Quand on réussit pas à le vendre. Ah ouais, wow. Fait que gens dans le chat, si vous aimez Carmageddon, vous foutez du label, allez l'acheter, s'il vous plaît. Donc, on a ce jeu-là depuis tellement longtemps. Puis, comme tu pour répondre à la question rapidement, comment on fait pour liquider des affaires, tu sais, ben c'est ça. Des fois, quand ça coûte des affaires qui traînent, ben on réajuste le prix. Là, d'un coup, ils partent. Ou sinon, mettons un jeu en boîte qui vaut cher, mais que la boîte n'est pas bien belle, on déboxe. On vend la boîte séparée à trouve-preneur, puis on vend le card séparé, ça trouve-preneur. Ou des fois, en dernier recours, on met ça sur eBay, une affaire weird, puis... ça peut trouver preneur aussi. On se débrouille. C'est ça, dans la vente au détail, tu vas facilement, tu vas sans effort vendre, tu sais, comme une bonne partie de ton inventaire parce que le monde en veut. Mais ça va, tu vas comme faire 10 fois les mêmes efforts pour essayer de vendre les hosties d'affaires qui ne vendent pas. Ça, c'est tellement tough. Puis, mais il faut que ça bouge. Moi, quand je vois des boutiques de jeux vidéo pleines de jeux NES, plein de jeux 64, je me dis, mais ça fait pas de sens. Ces gens-là, ils vendent pas. Nous autres, on n'arrive pas à en tenir jeux de 64. On n'a jamais, là. On les vend au fur et à mesure. T'sais. On les vend dans la seconde qu'on les met en ligne. T'sais, non-stop. T'sais, les jeux NES, ça roule, ça roule. Fait que je pense qu'on fait une petite bonne job de pricing et puis de tout ça. Donc, le stock est supposé rouler. Si le stock roule pas, il n'est pas correct. Faut que tu t'organises pour qu'il roule. Ça donne à rien d'avoir un musée. Il faut que ça roule, c'ti. Fait que ça, c'est une chose. Les trois jeux les plus chers, ben, moi, te les dis, drette là. c'est. Attends, si je vais sur le site de Retro Montréal et je vais acheter tous les produits, je filtre. Fait que c'est une question qui se répondait par Google et par votre site web direct, ça. Je peux pas filtrer par prix. On va faire prix décroissant. Hein? Ah oui, je l'ai ici. Prix élevé à faible. Donc, présentement. Ah ouais, je suis tombé surpris. On a un collecteur de Zelda Breath of the Wild Master Edition à 1200$. Mais ça, c'est trop cher. Il est sealed, il est neuf, mais c'est trop cher, on va le baisser. On a Panic Restaurant en boîte. Il est plus cher, lui. 2400$. Donc, complet en boîte, mais avec de l'usure. On a une console Xbox OG japonaise spéciale Dead or Alive à 1000$. On a une Bandai Wonderswan Color édition Gundam à 700$. Hey, c'est du gros stock, ça? Oui. On a une console 3DS XL Samus édition en boîte très, très, très bon état à 700$. On a Darkwing Duck au TurboGrafx-16 à 680$. Wow. On a un Zelda sur NES, le premier Five Screw First Print, comme toute la vraie First Shit à 650$ en pas pire état. CDX à 600$, puis après ça, bon, on part d'un PS5, des affaires. Fait que voilà, mon cher ami. Et voilà. Et voilà. Alex Neveu. De la Verrochère. De la Verrochère. L'an passé, j'ai acheté une mini-NT chez Retro MTL. Cette année, un bon ami à moi qui habite à 3 maisons d'ici, à 3 châteaux, s'en est procuré une également chez Retro MTL. Est-ce que la Verrochère est maintenant le plus grand ratio de mini-NT par capita? Probablement au monde. Là. Certainement, mon ami. J'en suis convaincu. Quand même, 3 personnes ont trouvé drôle ce commentaire et avec raison. On salue vos bonnes neiges, d'ailleurs. François dit quand, François, qui dit il y a des fins connaisseurs à Abidoun. Abidoun. Au moins deux de répondre. L'Abidoun, ça, c'est le nom de la Verlochère. Je sais pas. On dirait, là, les gars. La Verloche. Hey. J-Bob, il dit un gars s'essaye, et puis je pose une autre question. Ça, c'est le gars de tantôt de 33 ans qui écrit très bien. Aimez-vous analyser des œuvres sous un angle psychanalytique? Après deux IP. Ouais. Que ce soit les concepts de Jung ou Freud, j'entends par là le shadow, le ID, ego, super ego, anima, animus. Personnellement, je trouve que les œuvres prennent presque toute une tournure encore plus fascinante lorsqu'elles sont analysées de la sorte. Pas grave, cette question ne fait pas la cote. Je me serais essayé pareil. Au plaisir de vous écouter. Prenez soin de vous. C'est très poussé comme analyse quand tu es rendu dans les concepts de psychologie de même. Là. Pour les jeux, jamais, moi. Pour les films, par contre, oui, ça arrive que j'y pense. Là. Mais là, c'est bien. T'appliques des concepts freudiens. C'est trop loin. Là, c'est trop creusé. Quand t'écoutes L'Arme fatale 2. Là. Mettons, là. J'analyse ce qui se passe dans le film plus que ce qu'on voit en écoutant souvent, mais pour les concepts scénaristiques plus qu'autre chose. Mais à ce point-là, dans la psychologie, non. Là. Faut que t'as les référents et les concepts en tête de un, là, aussi. Ouais. Ben, j'ai ouais. Pas une dissertation sur chaque film ou jeu que je joue, non. Là, ben, je. Ouais, non, en effet, mais. Est-ce que j'apprécie ça, cette analyse-là, par exemple? Oui. Ça, oui. Si on me la présente. Ouais, ouais, exactement. Absolument. Mais je ne la ferai pas, en non, effet. Pas et le temps. Puis, de tout ce qui est nommé ici. J'ai rien compris. Il y a bien des choses que je ne comprends pas. Alors, on comprend que J-Bob est de la tête. C'est un prof de philo. Façon. Ouais, c'est ça. C'est un professeur. C'est pour ça qu'il ne met pas son vrai nom. Ouais, prof de philo. On le démasque. Voilà. Mais ouais, c'est trop intellectuel pour nous. On peut pas répondre, malheureusement. Benjamin Gazaille. Gazaille. Est-ce que c'est beau? À quel moment vous avez réalisé que vous aimez plus le rétro que le nouveau? Je suis pas arrivé, moi. Là. Ben, moi, j'ai jamais réalisé que j'aimais le nouveau. Mais j'ai fait une distinction non plus que, genre, ceci est un vieux jeu, fait que c'est weird d'aimer ça, tu sais, c'est... Ouais. Mais moi, j'ai réalisé que j'aimais pas le nouveau, en fait, okay. Lorsque j'ai acheté une PlayStation 3. Et puis, j'ai comme, ah, là, ça y est, j'achète une PS3. Puis là, j'ai téléchargé des jeux, puis je jouais à des affaires. Mais tout le temps, des jeux, tu sais, comme un peu rétro quand même. Ouais, ouais, ouais. Afterburner, Climax, puis des affaires un peu rétro, tu sais. Puis ça, c'était pas pour moi. Et puis, j'ai acheté une Wii assez tôt. Mais quand j'ai acheté une Wii, j'avais Zelda Twilight, tu sais, mais Lever Troll Console. Mais c'était pour jouer à des vieilles affaires. Fait que, tu sais, j'ai acheté des. J'ai arrêté. Hein. Ouais. J'ai pas acheté de PS4. J'ai pas. Ben, j'ai tout ça à maison, mais c'est pas mon gars. J'ai arrêté de me faire des accrocs. J'aime pas ces affaires. Ouais, ouais. C'est trop lourd, c'est trop cher. T'aimes la simplicité. Il y a trop d'updates. Ouais. Exact. Je veux rien savoir de ça. Ben. Puis moi, j'aime mes jeux vidéo, genre, t'as un petit bonhomme qui saute, puis tu payes ce piton. T'as un vaisseau qui tire par en haut, puis c'est ça. Exactement, exactement. Moi, c'est ça que j'apprécie. Ou des Metroidvania, c'est des affaires simples. Ouais, ouais. Des petites aventures, le fun, puis tout. Fait que ça, je l'ai réalisé, je te dirais vraiment, avec l'achat de la PS3, que j'ai comme Chris, j'ai acheté ça, j'ai jamais touché. J'ai une Wii U par après, j'ai jamais touché à ça. Ouais. Fait que fuck off. Je revenais au NES tout le temps. Mais toi, T'aimes le nouveau aussi, là. Le nouveau, beaucoup, là. Oh ouais, le nouveau, le rétro, ben je suis un joueur général, là. Fait que exact. Fait que t'aimes pas plus l'un que l'autre ou t'as jamais. Non, j'ai pas de distinction, là. C'est ça. Je vais moins explorer le rétro, je vais plus jouer à mes classiques rétro parce que ça vient me chercher, mettons, là. Mais tu joues plus nouveau quand même. Oui, oui, effectivement. Là. Mais avec la pocket, j'ai plus de facilité de jouer du rétro, mais oui, je suis plus nouveau. Ben t'as la possibilité, mais tu le fais pas. Tu sais, moi je suis tombé dans le VR pendant un bout aussi. Fait que j'étais très très nouveau, là, VR. Ouais, là, exact, ça, exact. Je suis un joueur universel, mais je suis plus nouveau que rétro, effectivement. Mais j'apprécie beaucoup le rétro, quand même. Dom Reno, quel est ton. Ben, je peux le dire à nous deux, quels sont les plus grands défis en tant que père? Oh, c'est tough, ça. Ça dépend de l'âge. Chaque époque a son défi, n'est-ce pas? Et puis moi, à l'adolescence, là, c'est le mind game de genre « Lève-toi, si, organise-toi, responsabilise-toi. » Oh, « Lève-toi », c'est déjà un problème, moi, en ce moment. « Lève-toi, petit cœur encore. » Ouais, mais t'sais. Mais quand ils sont petits, c'est des défis physiques. Ouais, ouais. Comme tu le prends, tu l'habilles, tu le nourris, tu le couches, tu le torches. T'sais. Ouais, et viens ton bain. Non, je continue à jouer. Viens faire quelqu'un. Non, je continue à jouer. C'est de le casser un peu, en effet, puis tout ça. Puis tu manques de temps, tu sais, tu fais rien que ça, là, donner des bains, ramasser de la bouffe, tout ça. Moi, c'est l'inverse, j'ai là, tu sais. Moi, tantôt, j'ai ramassé le souper, tu sais, je fais de la vaisselle, puis là, mes gars sont partis chacun dans leur chambre, c'était fini. Ouais, j'ai plus rien d'autre à faire, là. C'est ça. Fait que j'ai gamé un peu, puis je me suis envenu ici, là, puis personne m'a dit bye, puis j'ai juste quitté la maison. That's it, j'ai quitté la maison. Fait que moi, j'ai plus rien à faire, là. Mais j'ai des enjeux d'adolescent, tu sais, c'est ça, là, la job, son inscription au cégep, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, tout. Fait que c'est pas évident. Puis mon plus jeune, tu sais, je pense qu'il est gay, même s'il veut pas me le dire, il a des petites chums, affaires de même. Mon plus jeune, il a de l'air quand même beaucoup d'une fille aussi, fait que je sais pas si, tu sais, ça lui dérange pas de se faire adresser en tant que fille, tu sais, il va pas être fâché, mais il s'identifie comme garçon, là, je pense. Mais tout ça est très tôt. Il est en secondaire 1, mais il serait supposé être en 6e année. Confrontant comme parent aussi. Mais il tombe en amour aussi beaucoup. Tout. Mais je me sens pas confronté par ça, mais je sais qu'il y aura des enjeux dans sa vie par rapport à ça. qui seront quand même moins grandes que si ça avait été il y a 10 ans, là, on s'entend. Là. T'sais, fait que tout ça va couler plus facilement, mais je sens qu'ils vont être un lover, comme extraverti. Ça me fait rire parce que tu n'avais déjà parlé de ça, à, genre ton gars se maquillait, puis on a parlé des gars de Renault, puis tout. Exact. Puis je n'avais jamais dit que ma mère, puis était comme, ça va être tough pour lui plus tard, tu sais, puis tout. Puis moi, j'étais comme... Pour lui, moi? Toi, non, pour ton fils. Moi, j'étais comme... Maman, toute cette réaction-là, puis moi, je suis comme, j'apprécie la réaction de mon chum Dom, qui est comme, ceci est tout à fait normal et correct, fait qu'on n'avait pas la même vision, les deux. T'sais. Ah ouais, c'est ça. Ben, c'est une vision un peu ancienne, puis tu sais, mes parents... Pas ma raison, mais en même temps, je dis, maintenant, on est dans un monde différent, là, aussi. Là, mes parents qui sont des boomers, puis là, je dis pas boomers dans le sens mauvais, mais ce sont des baby boomers, ouais. Là, qui ont le même âge que ta mère, tu sais, qui auraient, de l'extérieur, cette réaction-là, certainement. Mais là, c'est dans la famille. Fait que là, il l'accepte, ben il ouais, se vraiment ouais. Ben oui, lui, il est de même, tu sais, puis on l'aime, tout ça. Mais c'est pas du jugement non plus, là, de ma mère. Non, c'est non, non, ça va être tough, peut-être. Je le prends pas. C'est tout à fait normal, ils ont été élevés comme ça. C'est tout à fait normal. Le clash de réaction m'a fait rire quand c'est arrivé, ça. Je fais, ah, ben moi, c'est pas à ça que j'ai pensé pendant tout, mais c'est comme bravo d'homme, genre. T'aurais pu être un père qui réprime son enfant, puis t'acceptes ça, puis... Mais je sais même pas comment j'aurais pu être de même, tu sais. Parce que moi, j'ai des valeurs modernes, tu sais, comme j'ai été élevé. Ben en fait, il y avait pas de gay, puis il y avait pas de noir, puis il y avait rien à Saint-Joseph-de-Beauce là, tu sais. Puis il y en avait un qui était un peu gay, puis tout le monde il tapait dessus, mais moi j'aimais pas ça, tu sais, je me sentais mal. Fait que c'est ça. Mais moi j'aime les gens, tu sais. Moi je veux la paix dans le monde, tu sais. Ouais. Fait que par contre, je trouve des fois qu'il y a une gauche extrême qui nuit, puis qui y a de l'extrême qui génère une levée de la droite extrême en contrepartie, fait que ça c'est un problème. Cela dit, moi je m'en fous là, les gens changer de sexe, ben avec en ayant une idée en tête de ce que vous faites là, mais comme essayez là, trouvez-vous. Je veux que le monde se trouve. Soyez heureux. Exact, exact. Trouvez-vous puis soyez heureux. Non, moi coparentalité c'est pas facile, je trouve. C'est tough d'être deux parents séparés. Ouais. Parce qu'il faut que tu appliques des principes sur lesquels t'es pas 100% d'accord tout le temps, fait que ça devient complexe là. Puis t'es jamais les deux dans la même maison pour les appliquer en même temps ou pour bondir. Non, moi j'y dirais ça, tu sais, il me semble que ça ferait du sens. Ok, puis on va laisser. Tu veux pas embarquer sur le dos de l'autre comme pour y dire quoi faire non plus, puis genre en même temps, tu sais, si t'es plus ensemble, il y a une raison, fait que tu veux pas nécessairement délai avec l'autre personne tant que ça, fait que c'est confrontant. Là tu penses que ta ma façon est meilleure, puis là l'autre pas tant, mais moi je parle de même là, mais moi je suis comme genre je gère mes affaires puis that's it, puis genre gère tes affaires puis that's it là, ce serait ça mon idéal, ce qui est pas le cas là, mais ouais. Comme on a vu tantôt là, mais c'est ça. C'est ça. C'est des challenges là, ça vient avec. Là. C'est... Ouais. Quand c'est pas la piscine qui coule, puis c'est pas la gauche qui marche pas, c'est les enfants. Rémi Chabot, tu vas dans une vente de garage et tu trouves un Stadium Events à 5$. Est-ce que tu le prends sans rien dire ou tu lui offres un bon montant? C'est une question éthique très difficile parce ouais, que. Ben non, moi je donne 5$ puis je m'en vais avec. Là. J'aurais tendance à faire ça moi aussi, en effet. Rendu là, c'est ta responsabilité de checker ce que tu vends. Là, tu sais, c'est... Oui. Mais aussi, une homme plus charitable pourrait dire tu donnes 5$, tu repars avec. Puis là, tu le vends 20 000 piastres, puis tu redonnes, mettons, 5 000 à la personne. Là, ouais, mais non. Tu sais, check, t'as pas catché. C'est ça, là. Tu sais, je suis bon joueur. Mais aussi, ou sinon, tu le gardes. Mais c'est sinon, ça. C'est quoi? C'est que t'offres la moitié de ce que ça. Mettons, ça vaut 1 000, je te donne 500 parce que tu le vends à 5 piastres. La personne va te dire, m'a le vendre 1 000 d'abord. Ben, tu peux pas faire ça, en c'est effet. Ça, tu dis, hey, moi, je te vends ça 5 piastres. Moi, je te donnerais 500. Là, il y a quoi? Puis là, ça part, puis tu vas pas pouvoir l'acheter. Wow, alors, ouais, ouais. Fait que là, t'es aussi bien de dire, rendu là, check, ce que tu vends là, ça vaut 20 000 piastres. Bonne journée. T'sais, ça finit là. Mais, t'sais, là, tu me prends par les sentiments parce qu'on parle de jeux vidéo, puis tout. Ouais, fait que j'aurais tendance à le prendre, là, t'sais. Fait que, ouais. Même affaire pour le reste. Vendre un garage de vinyle, tu trouves un album de Metallica, sealed, 2 piastres. Ok. Ouais, avec, c'est ça. Exact. Jean-Gabriel Harvey, dans le chat. Dans le chat. Bonsoir, messieurs. Quels sont vos top 3 de style de jeu préféré? Exemple, beat'em up, shmup, Metroidvania, platformer, combat, court, ben tout ça. Top 3 de style? Moi, Metroidvania, c'est un style... le platformer, on rentre tout ça là-dedans? 2D, platformer. Platformer, c'est un style. Run and gun, hack and slash... Ouais. Ben, mettons, je vais mettre ensemble le run. Tu sais, mettons Contra, Ninja Gaiden, tu sais, comme. Puis Mario. Je vais tout mettre ça dans du platforming-ish avec de l'action. Fait que Metroidvania, même chose, mais d'aventure. Ensuite, ça, d'action. Puis, je dirais shmup, sinon, en troisième. C'est-à-dire platforming, shmup, puis... jeu de sport, peut-être. Là, ouais, ou jeu, jeu de VR, mais c'est parce que ça dépend du style après ça en VR. Le sport, ça dépend de lequel aussi. Ça aussi, là, beaucoup le hockey, le baseball et la lutte. Ben, on peut le regrouper, là, c'est ça, quand le même. Sport, ouais, c'est quoi? Le top 3, les top 3. Olimel 00. Ouais, c'est Jérôme, ça. C'est quoi votre top 3? C'est qui, Olimel? C'est-tu Jérôme? Parce qu'Olimel, ça me fait penser à Vallée-Jonction en Beauce. Il y a Yann QC, c'est ce qu'il dit. Je vous ai manqué de peu. Quand est-ce que l'épisode va être disponible? Demain matin, mon grand. Demain matin, mon cher. Tu peux mon aller dormir. Parler comme mon grand. Bon. Junior Charlebois dans le chat. Coin Game Over vient d'annoncer qu'il arrête de tenir en magasin des jeux neufs de Xbox One et Series. Seul moyen pour les avoir en nouveauté est de les précommander. Est-ce que c'est dans les plans de Rétro Nouveau également? Non, je sais pas le bon spectacle. Ben, m'a dit, mon cher Junior, que ça fait vraiment longtemps qu'on a arrêté d'acheter des jeux d'Xbox One et Series neufs ici pour les tenir en inventaire. C'est terminé depuis des années. Comme personne ne les achète, ça vaut pas de la merde, ça reste ses tablettes. Ouais. Oui, OK, on pourrait essayer de jauger. Ah, peut-être que lui, oui, peut-être que lui, non. Mais je pense que notre ratio d'erreur serait trop élevé. Ouais, et on se ramasserait avec des affaires, des jeux à 80$ qui dorment ses tablettes que personne n'achète. Puis on se burnerait avec ça. Quand t'es Xbox, t'es Game Pass, puis ça se finit là. T'sais. Effectivement. Fait qu'il n'y a plus d'argent à faire avec ça, puis je les comprends très bien. Puis nous autres aussi, c'est ce qu'on fait. Alors, c'est terminé, bon. Xbox. C'est clair. Là. Ben voilà. Fait qu'on y va avec la dernière question. Ah, on passe au travers. De Kevin Parent. Je suis allé visiter votre boutique ce week-end. À la découverte des trésors cachés, une boutique rétro gaming unique à Montréal. Ah, OK, attends, non, OK, je vais juste ouvrir. OK, non, c'est ça. Kevin est venu ici. Attends. Kevin Parent? Seigneur. C'est pas lui. Kevin Parent a un channel YouTube qui s'appelle Le Québécois Gamer. Oui, Kevin. Kevin qui nous suit depuis longtemps. On le connaît. Et puis, il est venu ici, puis il a fait un tournage chez Retro Montréal. Et puis, c'est sur YouTube, sur sa chaîne Le Québécois Gamer, puis il appelait ça À la découverte des trésors cachés, une boutique rétro gaming unique à Montréal. Et puis, voilà. Fait qu'il a fait ça. En fond, il voulait juste nous signifier qu'il a fait ça. Il est venu se plugger, si on se déquestionne. Il est venu se plugger, si. Ben, c'est correct, on le plug. Parce qu'il plug ta boutique, fait que c'est bien correct. Il a pris le temps de faire ça, en effet. Alors, allez voir ça si vous voulez. Je l'ai regardé vite fait. C'était bien sympathique. La vidéo du français qui est venu, est-elle sortie? Ah, ça fait longtemps. Ouais. Ça a eu un gros impact. Ça a eu un impact incroyable. Wow. Imagine si elle a pris une photo avec lui avant qu'il parte. Ouais. Ben, t'es fou, ça. J'aurais peut-être dû, en effet, mais en même temps, on est dans le vidéo, tout est là, tu sais. Puis ce que j'aime, c'est qu'il a fait un segment séparé de ça, c'est comme une petite capsule. Okay. Fait que c'est pas dans McFly et Carlito, c'est genre sur leur autre. L'autre channel de McFly et Carlito, c'est Carlito qui est dans les jeux vidéo ici. Okay. Fait que comme ça, c'est pas un segment de 5 minutes dans une vidéo de 2 heures qui sont venus à Montréal, qui sont pétés à la face, puis qui ont fait 1000 affaires, manger de la poutine, puis aller au Canadien. C'est comme que ici. Fait que ça, je pense, ça a aidé à le faire chaîner. Puis il y a plein de gens. Tu sais, moi, je suis entouré de jeunes, les enfants des sœurs à ma blonde, tu sais, qui ont entre 10 et 25 ans, ils connaissent tout ça, mes kids connaissent ça. Ils t'ont vu dropper sur tout YouTube. Tout le monde. Tous les jeunes, man, les flots là, de 15-16 ans, tout le monde m'ont vu ça. Hey, j'ai vu Carlito. Fait que ça, c'est vraiment hot, là. Donc, ça a été très. Puis, on a des gens qui sont venus en magasin grâce à ça, qui ont dit hey, j'ai vu ça, Carlito, je suis venu. Fait que ça, c'est quand même pas mal cool, là. Bonne affaire, ça. Fait que je fais juste un dernier scan, puis non, je pense qu'on a répondu à tout. On est prêt à aller en conclusion. J'ai muté la musique. Tout va mal, c'est ça. Non, c'est ça que je voulais faire. D'après moi, la Refine Fool, elle te remonte à la tête. Genre, c'est moi qui conduis. C'est moi qui conduis. Puis en plus, tu me fais un lift, on va mourir ensemble, j'ai assez. Ah ouais, c'est les routes qui glissent. Oh là là. Mais ouais, donc je vais regarder, si c'est pas au prochain épisode, ça va être à l'autre après que je vais essayer d'avoir Michael du ouais. coin Game Over. Et puis je vais quand même faire une publication question du public, parce que moi ce que j'aimerais c'est de connaître un peu les origines un peu du Game Over, puis on va parler business, tout ça. Puis on va peut-être répondre un peu de questions du public si on a le temps. Si on peut savoir si ça sent le AEW à temps plein dans leur boutique, ce serait bien. Ça serait malade. Ah oui, ouais, Blasman qui dit on n'a pas. Ouais. Sur ma page Papa Cassette, sur Meta puis Instagram, je faisais une publication de Rondo of Blood. Je tenais dans mes mains trois Rondo of Blood. T'as-tu vu ma réponse pour ta question? C'était quoi donc? C'était oui. Oui. Oui. En effet. Mais ça, c'est un des miens en passant, puis deux autres qui seront en vente ici chez Retro Montréal. Et puis, on aura aussi un Castlevania Dracula X sur Xbox. Ah, c'est une joke. Sur Super Nintendo aussi. Donc, on a beaucoup de Rondo et de référents qui seront en vente bientôt. Alors, voilà. Et puis, je vais vous tenir au courant pour Michael. Comme je dis, c'est pas tout de suite. Ça va être plus tard. Et... m'étouffe dans ma salive. Let's go! Et on remercie encore une fois Jean-Michel Racine de nous abreuver de magnifiques bières de l'Outaouais. Et merci beaucoup pour ton passage. Il nous en reste deux. On va finir ça au prochain spectacle. Oui, bien évidemment. Évidemment. Alors, merci à tous les Patreons qui contribuent. C'est très, très, très apprécié. On a été absent pendant un bout, mais on est là. Merci à tout le monde dans le chat là, qui sont là ce soir. C'était fun. Il y a bien de l'action dans oui, dans le chat Twitch. Il y a une belle participation. Ça, c'est le fun au bout. Il y a des nouveaux auditeurs. Ils ont pété le micro. Il y a des nouveaux c'est auditeurs. C'est les geekettes, ça, qui pètent ça. Des nouveaux auditeurs. Ben, des nouveaux, first time des chat. Des first time chat, en fait, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pas des nouveaux auditeurs, mais il y a ça. Alors, ça, c'est vraiment. Un jour, on aura la ligne téléphonique pour nous appeler aussi. Là, dès que je pogne du temps pour checker. Quand t'auras le temps, JF. Moi, je pense qu'on va frapper un coup de circuit avec ça. Ouais, ouais, ça s'en vient. Ça s'en vient. Fait que, voilà. Fait que, allons nous reposer. Ouais, on va aller se coucher pour se relever très tôt demain et être fatigué au bout. Moi aussi, 6h15. Ouais, ça va être ça, là. Voilà. Bon courage, tout le monde. Bye, tout le monde. À la prochaine. Ciao.